je crois qu'on va manger du Avicii jusqu'à cet été au moins. Ça ne bouge pas cette semaine, c'est encore en numéro 1 des clubs en Europe. Et évidemment, c'est une star, le DJ Star Fun Radio. Avicii et Brother, toujours numéro 1 de l'Eurodance 25. Je vous redonne rapidement le top 5 de ce soir. 5e, le Fall and Wada de la reprise de Pno avec TNGS. 4e, Dubs and Bordus pour le Tsunami. 3e, Pitbull, Keisha avec Timber. 2nd, Martin Garrix, Animal. Et donc Avicii avec Brother reste à la première place du classement. À noter les deux entrées. L'entrée de David Guetta avec le Shut Me Down, classé 23e. Et la meilleure entrée de la semaine, celle de Bryce avec le Free Fall Anthem dans l'Eurodance 25. Ça refaudra de belles semaines, tout le monde. On va retrouver évidemment Mickaël dans un instant. Oui, en pleine forme et avec plaisir. Comment ça va? Ça va ma foi très bien, et vous-même? Bon, bah écoute, ma foi plutôt pas mal. C'est tout, d'accord. Bon, bah oui. Ce fut court mais intense. Qu'est-ce que t'as fait de beau cette semaine, en plus de la radio? Eh ben écoute, plein de choses. Et surtout, est-ce que tu as vu la tête de Polo? Mais oui. Et la barbe n'est plus. Oui. Mais oui, terminé. Je voulais acheter une tondeuse pour ses 25 ans. Ouais, je suis bah, ouais. Bah ouais, c'est ça, malheureusement. Achète-la toujours, je la prends. Ah bah oui. Après, si tu lui offres, il les prend. Ah ouais, je prends moi. Non, mais voilà, donc il a tout rasé, ça y est, c'est terminé. Comme je sais que Miko était à fond sur les cheveux et la barbe de Polo, il voulait tout enlever. Bah ouais, c'est fait, voilà, tu vois. Mais j'ai toujours 2-3 photos dossiers d'il y a quelques semaines. Ah. Ça peut ressortir à n'importe quel moment. Écoute, gardez attention. Toujours, sait-on jamais. Exactement. Vaut mieux. Bon, bah bonne fin de week-end, Miko. Ouais, je pars en vacances demain. Non. Je pars au ski. Non. Et je vous enverrai des photos pour Tignes. À Tignes. Très bien, on change pas l'équipe, il gagne, c'est bien, parfait. Je vous enverrai des photos pour vous. Voilà. On va faire un grand jeu avec Nico. Va-t-il revenir en béquille plutôt ou pas? Sympa. Nous verrons. Bon, bonnes vacances, Nico. Merci. Réponse dimanche prochain. Et que tout glisse bien. Allez, hop, oui, on se retrouve demain. On se retrouve demain. On te retrouve plutôt la semaine prochaine et puis nous on est parti jusqu'à minuit. C'est parti. Ciao. J'ai enfin trouvé la lampe du génie! Je vais enfin pouvoir faire les trois vœux! Alors, que Mickaël, nos limites durent longtemps, qu'il continue à nous faire rire, et qu'il soit tous les soirs au top! Tu ne désires pas de montagne d'or, de Ferrari ou d'un vie éternelle? Non, Mickaël m'offrira le reste. Oh my god! Mickaël, nos limites. De 20h à minuit, sur Fun Radio. Yes, ça! On est en direct sur Fun Radio. Bienvenue tout le monde. Ah, on a encore échappé à une fin du monde, hein. Ah bah oui, après la Saint-Valentin qui est arrivée il y a quoi? Il y a même pas 10 jours, là. La semaine dernière, c'était en gros, c'est ça. Bah hier, c'était la fin du monde selon les Vikings. Et comme vous pouvez le remarquer, nous sommes toujours là, a priori, tout le monde est là. On est là pour faire de la radio avec vous le dimanche de 20h à minuit, tous les soirs de la semaine également, du lundi au jeudi, de 23h à 2h. Je compte bien sûr sur vous pour que tout le monde le sache, qu'il se passe enfin quelque chose le soir à la radio. Et c'est ici que ça se passe, sur Fun Radio, n'est-ce pas Henri? Comment va-t-il Henri? Comment ça va? Bonjour Henri, comment vas-tu? Ça va. Bon, t'appelles de Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées, toi Henri, en pleine forme, ouais. Donc, passé un beau week-end, t'as fait quoi toi? Rien. D'accord. Gros week-end. Ah, gros week-end, ouais. Non, bah gros week-end, quoi, apparemment. Mon anniversaire aujourd'hui, ouais. Ah, c'est ton anniversaire aujourd'hui? Ouais. Oh, c'est pas vrai, ça nous fait quel âge? 16. Non, bah on est pas mal, là. On est pas mal du tout, même. Attends, je vais mettre la musique de bon anniversaire, évidemment. Voilà. Voilà, bon anniversaire, Henri. Mais oui. Voilà, donc 16 ans pile aujourd'hui, donc c'est beau ça. Quelle belle date ce 23 février. Ah oui, très très belle date. Bon ben Henri, reste avec nous deux minutes. Sandro qui a passé un bon week-end? Ouais, très bon. En pleine forme aussi, tant mieux également. Toff aussi, week-end avec les amis habituels. Je vais venir, je vais t'enculer ta race de voilà. Merde, je vais t'enterrer, je vais te mettre ma bite sur la tête, je vais te couper ta croissance sur toi. Complètement, donc bon anniversaire, pas du tout, c'était à notre ami Henri. Donc bon week-end Toff. Mais très bon. Bon, très excellent bien. Excellent week-end avec tous mes amis. Parfait, et Polo également, ouais. Bon anniversaire à merci. Polo. 23 ans et demi aujourd'hui. C'est ça, je vieillis. Et ouais, même âge que l'année dernière, l'année d'avant et l'année encore avant. C'est ça. C'est beau de la vie éternelle. Mais la ça, jeunesse éternelle. Voilà. Ah, deuxième, t'as vu? Eh, hey, Henri. Ouais. Anniversaire le même jour que pour lui, donc ouais. T'en as de la chance, hein. Waouh. Un grand homme, Henri. Oh, ben je sais pas. Un très grand homme. Un très très grand homme, probablement, ouais. Bon, Henri, reste avec nous. On va se faire la colle également. Là, on va saluer Anaïs qui est avec nous de Ludre. On dit Ludre, c'est ça? Oui, c'est très ça. Bien, Meurthe et Moselle, le 54, Anaïs. Bienvenue à toi, Anaïs. On va donc ce soir jouer à la colle avec toi. Et Anaïs, tu vas peut-être repartir avec une PlayStation 4 et le jeu Battlefield 4 également. Ce serait sympa. Oui, ça serait cool. Ce serait plutôt cool. Tu joues pour gagner la PlayStation pour toi ou pour ton mec? Ou frère, ou soeur, ou cousin? Je sais pas. Pour pour moi. Pour toi, mais t'as raison, écoute, t'as raison. Bon, eh ben, on va y aller, hein, tu connais le principe. Je vais quand même le rappeler pour les nouveaux auditeurs qui débarquent. Car oui, il y en a tous les soirs des nouveaux qui viennent de débarquer. D'ailleurs, on vous salue tous, toutes et tous même. On va donc tous les soirs, là en l'occurrence ce soir avec Anaïs, faire péter une colle. Anaïs, tu vas poser une colle aux auditeurs. Si l'un d'entre eux a la bonne réponse et qu'il est tiré au sort, il gagne et tu perds. Si jamais personne n'a la bonne réponse ou que la personne qu'on a sélectionnée, bah, finalement ne décroche pas parce qu'il est trop tard, parce que je sais pas quoi, à ce moment-là, c'est toi qui gagne la PlayStation 4 et le jeu Battlefield 4, d'accord ? D'accord. Anaïs, on t'écoute. Alors, la colle, c'est on m'apprécie plus au goût que de me recevoir en pleine face. Oh mais non, non, non, stop ! Quoi ? C'est pas ce que je pense. De quoi ? Se recevoir en pleine face. Ah non, non, non, ah, ça n'a rien à voir avec du cul, c'est pas Toff qui a écrit la colle, rassure-toi. Ah, j'ai eu peur. Bon, je répète, Anaïs, donc on m'apprécie plus au goût que de me recevoir en pleine face. C'est qui suis-je, c'est ça ? Oui. Très bien, parfait, ça n'aurait pas pu être Toff en l'occurrence. Non. Bon, si vous avez la bonne réponse, envoyez dès maintenant M-I-K-L suivi de votre réponse. Vous envoyez ça au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique. Et vous pouvez bien sûr aussi jouer. Alors dans 5 minutes, je vous mets la colle en ligne sur le Facebook de l'émission, facebook.com/M-I-K-L officiel, pour tenter de repartir avec votre PlayStation 4 et le jeu Battlefield 4. Et vous pouvez donc répondre sur le Facebook de l'émission, hein. Vous allez pouvoir voir la colle, la lire en l'occurrence, et même y répondre. Anaïs, on donne la réponse vers 22h. Tu restes avec nous ? Oui. Ah bah t'as pas trop le choix si tu veux tenter de gagner la PlayStation 4, hein, je te le dis direct. A tout à l'heure Anaïs. Et à tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Bon, il y a également du son. Tiens Anaïs, t'as envie d'écouter un son en particulier ce soir ou pas ? Bah non, si t'en as pas spécialement en particulier, il y a Jason Derulo qui va arriver là, celui-là tiens. Oh. Une petite balade Anaïs. Oui. Ça peut être pas mal. Il y a Henri, tu veux écouter un truc en particulier ou pas toi ? Henri ! Henri ! Non, Henri nous a quitté malheureusement. Oh là là. Oui. Bon, Nassim était avec nous également là de Vendée. Salut Nassim, comment ça va ? Ouais, salut Mickaël. En forme Nassim ? Oui, oui, t'as l'air d'avoir plus la patate qu'Henri toi, c'est déjà pas mal. Ah, c'est son anniversaire, il a peut-être fait péter un truc, je sais pas. Il a vomi. Ouais, peut-être aussi, ouais, trop d'alcool, je sais pas. Il est dans ma chambre, j'ai mis une fessée là. Ah oui, non mais tu fais bien Nassim. Bon, alors tu veux écouter un son en particulier toi ou pas spécialement ? Ouais, Pharrell Williams. Happy. Pharrell Williams avec Happy. Bah attends une seconde, je suis juste là. Happy. Happy. Happy. Happy. Happy. Voilà. Happy. Bon, on le mettra tout à l'heure. Ouais, ok. Et puis dans le même délire, il y aura aussi le son de Daft Punk. Ok. Eh oui, avec Instant Crush. Et toi, va noter d'ailleurs qu'il faut passer Pharrell Williams, sinon je vais oublier comme d'habitude. Voilà, Pharrell Williams tout à l'heure avant la fin de l'émission avec Happy et Daft Punk avec Instant Crush. Voilà ce qui va arriver sur Fun Radio. Bon, alors Nassim, bah, reste avec nous, hein, puisque. Ah oui, t'as regardé The Voice ou pas, toi, samedi ? Non, c'est pourri ça. T'aimes pas t'as, oui, bah moi je trouve ça nul aussi, mais après. Henri ? Ouais. Henri ? Ouais. Ah, il est là, Henri. Eh, oh hier, j'ai failli te mettre un coup de pelle. Ouais, c'était moi une, Henri. Tu regardes The Voice ou pas, toi ? Non. Non, ah bon. Et toi, Anaïs, tu regardes The Voice ou pas ? Non plus. Non plus. Pourquoi t'aimes pas ou t'as jamais ou t'es pas intéressé ou t'en fous ? Ça m'intéresse pas trop. D'accord, ok, très bien. Bah écoute, moi j'ai regardé pour une fois. Je vous dire que je regarde relativement rarement parce que je déteste ça. Mais bon, samedi soir, j'étais là, il y avait rien. Et puis bon, voilà, j'ai laissé la télé allumée. Et donc, du coup, bah, je voulais savoir ce que vous en pensiez de The Voice. Et comme par hasard. Pour une fois que je regarde, il y a eu un scandale avec Jennifer. Alors donc c'était hier soir, c'était les duels et puis elle devait choisir entre Jenny Lynn et Sarah Jade. Et comme par hasard, elle a choisi Jenny Lynn qui a fait les premières parties des concerts de Jennifer. Étonnant. Oh, bizarre. Étonnant, étonnant. Et puis là on pourrait se dire, mais si elle a déjà fait les premières parties de Jennifer, qu'est-ce qu'elle fout dans une télé-réalité où on est censé apprendre à chanter, savoir qu'on devient le meilleur chanteur, blablabla, blablabla. Bon. C'est pour les débutants quoi. Voilà, donc je pourrais effectivement me scandaliser pour ça. Elle a peut-être pas objective, elle a fait gagner son ami, etc., etc. Non mais en fait la vraie question c'est, est-ce que vous trouvez normal que des chanteurs oubliés puissent en fait faire The Voice ? Bah oui, c'est plutôt... Non mais c'est ça, pour qu'on se souvienne d'eux, de leurs chansons, je sais pas, je trouve ça un peu bizarre. Scandaleux. Ça fausse peut-être même un petit peu le jeu, donc voilà, je voulais avoir vos avis, on va en parler. Alors est-ce que tu trouves normal toi Henri, même si tu regardes pas, hein, mais ça peut être ça ou autre chose, qu'en l'occurrence dans une émission de où on cherche le meilleur chanteur, il y ait des chanteurs en herbe, qu'on essaie de trouver la nouvelle star, ça fera plaisir à TF1, qu'il y ait déjà des chanteurs confirmés. Bah en fait je pense que c'est pour les payer moins cher. C'est une idée, c'est une idée. C'est Nassim, est-ce que t'as une idée toi de ça, non ? Moi perso, mais je m'en fous. Tu t'en branles, mais t'as raison aussi, Nassim. Et Anaïs ? Ouais, c'est vrai, moi. Et Anaïs ? Je sais pas. Tu sais pas, mais je pense que nous allons faire avancer l'enquête. Ah, comme ça, c'est bien. Le débat va beaucoup avancer ce soir, je pense. Ah ouais, je pense aussi. Bon, ben les autres, venez nous en parler si vous avez regardé. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. On va parler de quoi avec toi, Henri, dans quelques minutes? Des dons. C'est-à-dire des dons. Tu veux faire un don à la radio? Mais écoute, c'est une très bonne nouvelle. Je vais te donner mon PayPal immédiatement afin que tu puisses toi-même faire un don. Ne m'oublie pas sur le don. J'ai besoin d'argent. C'est ça. Non, mais tu veux faire parler des dons ou quoi? Genre la voyance, tout ça? Ouais, voilà. D'accord. J'adore. Vraiment, et tout ça. T'es voyant? Non, pas du tout. Oh merde. Bon, bah écoute, tu vas nous en parler dans quelques minutes. Reste là. On va se faire aussi. Je vous l'avais promis, le son de Jason Derulo avec Marry Me. Et dans 15 secondes, je vous mets la colle en ligne sur le Facebook de l'émission pour gagner votre PlayStation 4 et le jeu Battlefield 4. Bah, venez nous rejoindre maintenant. Tapez MIKL officiel sur Facebook. À tout de suite. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. MIKL. No limit. De 20h à minuit sur Fun Radio. On est toujours en direct sur Fun Radio, en direct dans toute la France. Il est 20h13, tous les dimanches de 20h à minuit, on est là en live. Il y a d'ailleurs tous les messages qui arrivent, Romain qui dit à Mickaël et à toute l'équipe, foutez le bordel ce soir à la radio comme d'hab, c'est trop bon. Eh ben on espère bien Romain, on va en tout cas tout faire pour. Si vous voulez nous rejoindre d'ailleurs, n'hésitez pas à taper le hashtag Mickaël officiel pour venir nous rejoindre. Le hashtag Mickaël, pardon, ou alors Mickaël officiel pour m'ajouter. Et si vous me suivez sur Facebook, je vous suivrai également. Et toujours la colle d'Anaïs pour gagner la PlayStation 4 et le jeu Battlefield 4. On m'apprécie plus au goût que de me recevoir en pleine face. Qui suis-je? Si vous avez la bonne réponse, n'hésitez pas, je peux donner un indice. Toff aussi en a reçu énormément, mes deux filles. Voilà, donc je n'en dis pas plus. C'est un indice comme ça, hop, vite fait au passage. Si vous avez la bonne réponse, envoyez MIKL suivi de la réponse au 64 900 ou alors sur la page Facebook de l'émission, vous pouvez jouer gratos et lire la colle en plus, facebook.com/MIKL officiel. Voilà, comme ça vous savez tout, on est quasiment 350 000 grâce à vous tous les soirs. Et puis on va s'écouter le son de Jason Derulo maintenant sur Fun Radio, c'est Marry Me. 20h14, bonne soirée tout le monde. 105 is the number that comes to my head. Plan the door. Micro branché. Son calé. Jingle prêt. Bonsoir tout le monde. Mission réussie. Mickaël aux limites. Un petit pas pour nous. Un grand pas pour l'humanité. Mickaël de 20h à minuit sur Fun Radio. Et toujours en direct évidemment avec plein de messages qui arrivent. On vous a demandé par rapport à The Voice si vous trouviez normal que la meuf, la Jenny Lynn qui a déjà fait les premières parties de Jennifer soit en plus sauvée par Jennifer et en plus se retrouve dans une émission où on essaie de trouver un nouveau chanteur alors qu'en fait elle est déjà chanteuse. Et il n'y a que Jennifer qui s'est retournée au début là. Exactement ouais. Donc voilà, on attendait vos avis. Il y a Romain qui dit je trouve ça dégueulasse de faire revenir des chanteurs oubliés. S'ils ont été oubliés, c'est pas pour rien, c'est pas non plus pour qu'ils reviennent. C'est pas faux comme ça ouais. Paul PC va l'analyse. Paul PC28 qui dit ah non j'écoute, je viens de regarder les JO de Soulchi, dernière épreuve, je trouve que tu t'es écrasé comme une merde Toff. Oui, effectivement. Oui, j'ai beaucoup souffert. Le bobsleigh arrive hein, ouais, les dernières vidéos arriveront demain, c'est toutes les vidéos qu'on a faites la semaine dernière et la semaine d'avant. Il y en a déjà quelques-unes hein, qui sont disponibles. Si vous voulez voir les premières épreuves des Jeux Olympiques de saut de ski, eh bien n'hésitez pas à vous rendre sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Nathan qui dit il y a trop d'émissions comme ça, c'est n'importe quoi. Soi-disant la recherche du nouveau talent, c'est comme tout, c'est juste pour l'oseille. Et Kali également qui envoie un message. En même temps, ils ont été choristes ou participants en chant sur les comédies musicales, mais n'ont jamais été reconnus comme chanteurs. Cela dit, je préférerais l'autre, mais c'est mon avis. Et puis Salvatore qui dit salut Mickaël. J'écoute Fun depuis 18h, mais je viens juste d'entendre pour le concours PS4. Tu pourrais m'expliquer les règles? C'est très simple, Salvatore. C'est très très simple. Il y a Anaïs ici présente. Anaïs, es-tu là? Oui. Très bien, Anaïs qui a une colle à poser et il faut tout simplement trouver la bonne réponse. Alors Anaïs, répète hein, tant que t'es là. On m'apprécie plus au goût que de me savoir recevoir en pleine face, pardon. Qui suis-je? Qui suis-je? Voilà, donc on m'apprécie plus au goût que de me recevoir en pleine face, qui suis-je? Et donc Salvatore, si tu penses avoir la bonne réponse, tu envoies M-I-K-L, les 4 lettres, espace la réponse, au 64 900 par SMS depuis la France, depuis la Belgique c'est au 63 22, ou alors simplement tu te rends sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel, et puis tu réponds à la colle. J'ai mis la colle dessus, j'ai mis une belle photo où j'ai la PS4 et où il y a moi dessus d'ailleurs, et tirage au sort aux alentours de 22h. Il y a Hugo qui dit salut pour la colle, c'est un pain. Non. Ah voilà, on proposait une tomate. Non plus. Une patate. Non plus. Une poire ou une non pêche. Plus. Ce n'est pas ça, voilà. Comme je l'ai dit, hein, Toff en a reçu très souvent, mais de filles. Voilà, donc si vous avez la bonne réponse, à vous de jouer. Facebook.com/Mickaël officiel ou alors par SMS en débutant le message par Mickaël. On te récupère quelques fois encore avant 22h, puisqu'on donnera la réponse vers 22h. Tu restes avec nous, Anaïs ? Oui. Très bien, ne bouge pas de là. Il y aura les appels de Toff dans quelques minutes. Il y aura aussi le chéri, je peux te faire cocu avant 21h. Et puis on va enfin prendre Henri qui est avec nous là. Henri, est-ce que tu es là, Henri ? Oui. Très bien. Je pense que j'ai la réponse. Eh ben, tant mieux pour toi. Bon, alors Henri. Voilà. Ben, tu peux la donner, mais ça ne sera pas pris en compte puisqu'on ne sélectionne que ceux sur le Facebook ou par SMS. Non, je ne vais pas la donner. Ah bon, bah, alors, surtout pas citer des gens, imagine. Ah oui, bah après, si tu veux la donner et si c'est la bonne ou mauvaise réponse, je te le dirai pas, mais ça aidera peut-être quelqu'un. Donc tu veux la donner ou pas? Tu peux dire non, réfléchis bien. Réfléchis bien. Bon, tu dis oui ou non? Je préfère qu'elle gagne sa PS4. D'accord, ok. Non, non, mais il n'y a pas de problème. Bon, Henri, tu voulais parler des dons, toi, alors bienvenue à toi, on t'écoute. Ouais. Mais j'aimerais savoir s'il y avait beaucoup de dons ou si c'était... J'ai rien compris, Henri, là. C'est quoi ta question? Si c'était unique ou pas d'avoir des dons. Unique? Ouais. Attends, mais t'as un don, toi, en particulier ou pas? Non, non. Mais je connais des gens qui en ont, mais c'est un peu bizarre, quand même. Mais ils ont quoi comme don? Ça va se barrer. Mais ils ont quoi comme don? Toff, il en a un aussi. Ah ouais. Arrive à sortir une crotte de nez, à la rouler sur le côté comme ça. Tout ça avec deux doigts. Ouais, avec deux en doigts. En roulant, en tenant son téléphone dans l'autre main. Et à les coller sous le volant. Ce qui est quand même pas mal. Non mais c'est vrai. Ouais. Il faut quand même remettre à César ce qui appartient à César. Je vous remercie. Bah avec plaisir, voyons. Moi, César. Bah ouais. Bon, tu connais les gens là, ils ont un don de quoi, les gens que tu connais? Ils arrivent à avoir les actions des gens. Les actions? Ouais. C'est-à-dire la voyance, ils arrivent à voir dans le futur? Non, ils arrivent à voir par exemple leur caractère ou ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils aiment. D'accord. Dites-nous, tiens, si vous avez un don, vous, qu'on sache un petit peu, ça peut être pas mal. Bah, si vous avez un don, Polo, il a un don, lui, en particulier, bien sûr qu'il a un don. À part d'être chiant, je veux dire, d'être chiant et râleur. Ah, bah, c'est déjà un énorme don. Il a ouais, le don c'est déjà un énorme tout. Don, c'est si, vrai. Moi, j'ai un don, en fait, j'arrive à. Quand je vois quelqu'un, je sais comment il fonctionne. C'est vrai. Ouais. Je sais si c'est un menteur, un hypocrite, ça se voit tout. Je le vois, j'ai un don, c'est comme ça. Pourtant, tu m'as jamais rien dit sur Toff. Comment ça? Au tout début, quand on s'est connu, je m'avais dit que c'était un sale con. Mais non, mais au début, il est tellement moche que j'arrivais pas à le regarder, moi. Il y a un filtre. C'est ça, tu vois, mais je faisais comme ça. Ouais, il y avait je un filtre. Je suis la seule ombre à son tableau. C'est il ça. Il a jamais pu me servir. Et Toff, un don en particulier? À part les Non, mais c'est beaucoup de chance, ce coup avec toutes les meufs, etc. Il a beaucoup de chance. C'est pas qu'il a un don, c'est qu'il a de la chance. Il ment. Et qu'il ment. Ouais, mais c'est pas un don, ça. Bah, si, parce qu'arriver à bien mentir est un don. Ah, d'accord. Alors si, parce que se souvenir des mensonges que t'as fait il y a 10 ans et que tu dois réutiliser aujourd'hui avec une autre meuf, parce que l'autre meuf arrive. Mais en fait, il y a une technique pour ça, c'est de toujours utiliser les mêmes. Ça évite de se planter après. C'est vrai. Sandro, tu affines juste l'histoire au fur et à mesure. Un don en particulier, Sandro? Ouais, j'ai un peu le don de faire chier le monde. De faire des conneries. Par contre, elle l'a bien. Non, mais je fais que des conneries là, genre jeudi soir quand on est sorti de l'émission. Ouais. J'ai perdu les clés de ma nouvelle voiture. J'ai perdu ma voiture. Non, énorme. Chez vous. On peut la raconter celle-là parce qu'elle est quand même phénoménale. Bon, vas-y. Vas-y. Jeudi pour donc on sort de l'émission, donc qu'est-ce que je fais? J'appelle mon taxi. Je descends en bas de la radio, j'attends mon taxi, donc je discute un petit peu en attendant, je m'approche du taxi et arrivé devant le taxi, je me rappelle que je suis mis en voiture en fait. Non, mais ça, c'est et le mec m'a fait payer 7 euros quoi. Bravo. Voilà, je fais que des conneries comme ça. Non, mais fait, ça c'est quand même elle est quand même énorme celle-là. Ah ouais, mais moi ça c'est une fois par semaine minimum. Mais je pensais qu'elle avait perdu sa voiture, mais c'est pire. Appelle le taxi pour rentrer chez soi alors que t'es venu en caisse. Ouais, souvent je sais pas où je suis garé aussi. Ouais, tu me vois pendant un quart d'heure la chercher partout. Oh là là, je peux la raconter celle-là aussi. Donc un jour je prends Sandro, je lui dis bon t'es garé où et tout, je vais t'avancer. Ah, c'est sur Sandro? Oui, c'est sur Sandro. Ouais. Et donc elle me dit ouais je suis garé là-bas. Donc on va là-bas et tout, on fait toute la rue, pas de voiture. Ah non mais en fait je suis garé là-bas. On retourne là-bas, enfin donc on va derrière la radio, à l'autre bout du monde quasiment. Enfin c'était au bout de la rue, hein, donc à l'autre bout du monde. Non, mais enfin, mensonge. Bah, vous avez vu là? Vous avez vu le don là qui vient de sortir? Ah, c'est parfait, hop. Et non, puis c'est parce que c'est que des sens uniques, donc il y a tout un détour à faire pour arriver devant la radio. Donc on arrive là et tout, pas de voiture non plus. Fait, ah je sais pas. Et en fait elle était mais genre à 20 mètres de la radio quoi. Oui mais non mais quelqu'un a dû la changer de place pour l'emmerder. Bah oui. Je suis sûr que ça doit être ça. Évidemment. Bon, si vous avez des dons, si vous connaissez des gens qui ont des dons ou qui parce qu'on peut avoir un don également. Bon là c'est pour le coup c'est pas intéressant, mais il y en a qui l'ont, hein, d'être complètement sur la lune comme Sandro tout le temps. Mais ça, c'est pas un don, ça. C'est une, ouais, une tare, un don, je sais pas, t'appelles ça comme tu veux. Bon, bah, appelez-nous, on va en parler, les 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Henri, reste avec nous. Il y a des auditeurs qui sont passés nous voir également, là. Comment ça va, tout le monde? Attendez, hop, là, j'allume le bon micro, là. Venez, venez, venez. Il y a Bruno Elliott. Alors, rien à voir avec, avec Bruno dans la radio, hein, rassurez-vous. Bruno Elliott et j'ai oublié le dernier qui s'appelle, qui vont prendre le micro pour dire bonjour. Tirez-le, tirez-le, on s'en branle, c'est fait pour. Voilà, voilà. Approchez-vous bien du micro comme moi. Donc, Bruno qui va dire bonjour. Bonjour à tous. Voilà, Elliot à côté. Et salut. Et on t'entend pas parce que tu ne parles pas dans le micro. Ouais, salut. Voilà, voilà, comment tu t'appelles? Quentin. Quentin, très bien. Alors j'ai vu qu'apparemment Bruno Elliot regardait The Voice. Oui. Oui, alors reprenez le micro là, hop là. Alors du coup, par rapport à ce dont j'ai parlé là sur Jennifer, Jenny Lynn, etc. là, qu'est-ce que vous en pensez? Moi Jennifer, j'ai du mal à la cerner. Ouais. Franchement, dans son jugement. À la serrer, tu voulais dire. À la serrer, ouais, non, mais ça, tout le monde a du mal à la serrer. À la serrer. Oui, à la serrer. Ouais. Mais c'est vrai, c'est un vrai problème, quoi. Parce que bon, elle est professionnelle, ça c'est clair. Ouais. Pour deux, aux trois autres, mais j'ai du mal. À chaque fois, j'ai pas le sentiment qu'elle, qu'elle porte le vrai jugement qu'elle devrait porter. D'accord, bah alors en l'occurrence, elle a, elle a mis en avant une meuf qui chantait dans ses premières parties. Tout à fait, tout après, peut-être qu'elle avait raison, j'en sais rien, j'accuse pas moi. C'est, mais c'est juste qu'elle a pas de bol, c'est la seule fois où je regarde. Ouais. Paf. Je tombe sur ce bordel, dis donc. Tout non, fait. Mais c'est vrai. Attends, il y a aussi Eric qui est avec nous là de Vienne dans l'Isère. Salut Eric. Oui, salut Mickaël. Salut comment, à tous. Comment ça salut. Va Ça va, merci vous. Bon, bah très bien, ouais. Alors tu regardes souvent The Voice ou pas toi? Alors je regarde pas du tout ce genre d'émission. D'accord. Je suis moi-même artiste, je suis magicien. Oh là là, ouais. Hey, fais-nous disparaître j'ai... quelque chose à l'antenne. Fais disparaître Toff. Vas-y. Non, j'ai abracadabra. À... Allez. Non, mais vas-y, j'ai tu dis. J'ai participé à Incroyable Talent, en fait. Ouais. Et quand on connaît l'envers du décor, des émissions de télé-réalité comme ça, on n'a plus du tout le même regard en fait sur ces émissions. Bon bah alors tu nous expliques en détail ça dans quelques minutes juste après Cache Cache et Techmi Home. Venez foutre le bordel le dimanche soir. No Limit. Fun Radio. Mickaël No Limit. Fun Radio. Et il y aura les appels de Toff dans quelques minutes également. On va se mettre quoi ce soir là? Bah on va se remettre les grosses beats, on va se remettre la tête grillée. Bah, c'est déjà pas mal. On fait ça après Cache Cache et Techmi Home sur Fun Radio. Bonne soirée. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle avec le hashtag MIKL sur Twitter. Mickaël, nos limites. De 20h à minuit sur Fun Radio. Exactement, on est en direct sur Fun Radio de 20h à minuit le dimanche soir, de 23h à 2h les autres soirs de la semaine. Et puis je vous rappelle qu'il y aura le chéri, je peux te faire cocu dans un quart d'heure. Ah. Restez bien là, il y a... Maxence, pardon, qui dit salut tout le monde, moi j'ai un don, ce que je peux voir dans le noir, je peux mieux voir que les autres dans le noir. Ah bon, d'accord. Diogo aussi qui dit j'ai regardé hier The Voice, non mais ça se fait pas juste parce qu'elle est là, la sauve et en plus l'autre chantait mieux. Il y a Romain qui dit moi j'ai le don de ne pas avoir de don, pas mal. Et Sarasvati aussi, un don, l'empathie, c'est déjà pas mal. Sylviana qui dit t'es trop top, continue. Merci Sylviana, gros bisous à toi. Stéphanini sur le Twitter qui dit j'ai le don d'attirer les rôles. Ah bah ouais, mais Stéphanie, en même temps tu fais tout pour tout pour trouver Toff, hein. Ah mais je l'ai prévenu en plus, hein, je lui ai dit. Ah bah ouais, en même temps tout le monde l'a prévenu, hein. DJ Coma qui dit j'ai le don d'enculer Toff. Et Antoine qui dit tu peux répéter j'aimerais ton bien. Twitter s'il te plaît. Bien sûr Antoine, tu tapes M-I-K-L, le petit tiré en bas, ce qu'on appelle l'underscore. Donc M-I-K-L underscore officiel, voilà. Et si tu m'ajoutes, je t'ajouterai également avec grand plaisir. Avant de récupérer Eric qui veut nous en dire plus sur les télé-réalités, Bruno pour parler de The Voice également par rapport au gros bordel qu'il y a eu ce week-end, puisque Jennifer a sauvé Jenny Lynn qui en fait elle a fait les premières parties de ses concerts et que donc du coup bah le débat en l'occurrence c'était est-ce que vous trouvez normal que des gens qui sont déjà connus et sont déjà chanteurs ou chanteuses bah terminent dans des émissions comme The Voice. En gros c'est ça. Bah c'est ça, mais c'est pas logique. C'est-à-dire que s'ils ont pas réussi, faut pas faire The Voice. Voilà, exactement. Donc du coup on en parle ce soir. Si vous voulez nous en parler, si vous voulez donner votre avis aussi, vous tapez tout simplement MIKL officiel sur le Facebook ou alors vous nous appelez, hein, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Bon, allez hop, les appels de Toff. On va parler de femmes et de porno maintenant. Ah bah oui. Un grand avis également, hein. Ça c'était. Oh, c'était difficile de savoir, il faut arriver à choisir l'un ou l'autre, compliqué. Non mais alors, on a encore eu là, juste avant l'émission, on a eu la preuve que c'est vrai, les femmes préfèrent les films porno amateurs que les films genre d'Orcel ou voilà, les vrais films de grosse production. Exactement. Hein, puisqu'on a une stagiaire qui est passée dans le couloir et elle nous disait préférer Jackie et Michel

des sondages très sérieuses. Très sérieuses, exactement, qui viennent parfois de grandes universités internationales. Bien sûr. On en parlera bien entendu. Principalement américaines et anglaises. Complètement. Mais... Il y a un message qui dit « Mickaël, moi j'ai un don de médiumnité. Je peux voir et entendre les amérantes. » Ah, bah, c'est sympa ça. Jérémy qui dit « Mickaël a le don de nous faire rire. Bah, » c'est gentil, Jérémy. Et Nicolas qui dit « Ça fait 3 mois que je vous écoute et j'ai toujours pas eu de message de bienvenue. Je peux en avoir un ?» Bah, bien sûr. Tu es un enculé. Voilà, bienvenue à toi Nicolas. Stéphanie qui dit « La vidéo de la luge, elle est magique. J'en ai pleuré. » Oui. C'était aux Jeux Olympiques de Sochi. C'était Jeux Olympiques. Et les vidéos à voir sur le Facebook de l'émission et sur la page, bien entendu, YouTube, sur le compte YouTube Mickaël officiel. Et demain, voilà. Bobsleigh. Et demain, la vidéo du Bobsleigh, bien entendu. Retour avec Eric qui voulait nous parler de The Voice par rapport au bordel qu'il y a eu avec Jennifer, Jenny Lynn, etc., etc. Et surtout parce qu'il a fait incroyable talent, c'est ça, hein, Eric, hein ? Voilà, c'est ça. J'ai fait incroyable talent en 2007. Et tu voulais nous dire ce qui se passait vraiment derrière Un petit peu, je suis pas non plus un pro de la musique et tout ça. Ouais. Mais toutes ces télé-réalités, faut savoir que déjà tous les membres du jury, que ce soit Jennifer ou Mika, ils ont tous une oreillette en fait avec eux. Et la production leur dit de se lever, de se retourner, d'applaudir, de dire ce qu'ils font, de parler, enfin voilà. D'accord. Donc en fait, aujourd'hui, quand on écrit une émission de télé-réalité, tout est écrit en fait. Donc tout se passe en plus dans le au mieux en fait. Voilà. Ouais mais oui bon après moi ça je m'en fous encore dans l'absolu tu vois c'est un show tu vois. C'est comme quand tu vas voir un film au cinéma tu râles pas parce que le truc il se termine comme ça et pas autrement quand tu vois. Au cinéma tu sais qu'il y a un scénario derrière. Non mais voilà. Aux téléspectateurs même par rapport au vote envoyer un SMS. Ah ouais non mais ça c'est de l'escroquerie c'est clair. Voilà tout à fait. Non mais là inciter les gens à envoyer un truc payant. Encore, ils pourraient leur demander de faire un mail ou n'importe quoi, mais inciter les gens à envoyer un message qui est payant alors que le truc est déjà plié depuis le début, là, ça s'appelle du vol en fait. Hein, mais c'est aussi simple que ça. Pour The Voice, pour Ice Show, pour un club talent, tout est écrit en fait à l'avance. Et quand tu sais ça, bah t'as plus le même regard par rapport aux émissions. Ça c'est clair. Il y a Stéphanie qui va venir réagir dans quelques minutes. Également Fred et Florian, mais là c'est par rapport aux dons là. Donc toi tu disais que t'étais magicien, donc ça se revient aussi par rapport aux dons, non ? Bah c'est pas vraiment un don, magicien, je fais de la grande illusion, donc c'est plutôt de l'illusion. L'escroquerie. Oui, voilà. Je suis un escroc. Ouais, c'est ça. Et regardez, donnez-moi un billet de 100. Et ben, il a disparu. Regardez, voilà. Allez, regardez. Je vois un 10. C'est ça, je l'ai transformé en un billet de 10. C'est magnifique, c'est magique. Balance-nous un truc, là. Comment tu fais une petite. Une petite démo, là, comme ça. Non, pas une démo, parce qu'on peut pas voir. Ouais, par radio, c'est difficile. Non, mais c'est quoi les trucs ? Tu mets. T'as des accessoires ? T'as quoi ? Les genres de numéros que je fais, c'est des filles qui volent dans les airs, je les coupe en morceaux. C'est bon ça. Voilà, tu pourrais couper Toff en morceaux. En lardon. Il rentre dans la boîte, mais ouais, pourquoi pas. Ah, bah bien sûr, mais tu peux pas venir à la radio, NC4 avec la grande boîte. Ah, bah si, y'a pas de soucis. Attends, j'aimerais bien, ouais. Ah, ouais, on va mettre Toff dedans, ouais. Et moi je prends la scie. Hein. Ah, y'a pas de problème. J'essaierai. Par contre, hein. Ah, de quoi ? C'est une scie circulaire. Moi je prendrais la tronçonneuse, parfait, je c'est pas. Parfait. Ah bah y'a pas de problème. S'il faut pisser sur Toff, je le ferai moi. Exactement. Bien. Des fois que ça lui mette quelque chose en plus. Hein. Bah non, mais sérieux, tu peux. Ah bah viens Eric, quand tu veux. Hein. Pourquoi pas, ouais. Ah bah écoute, ouais. Je vais te repasser Sandro pour qu'on essaie de caler un rendez-vous quand t'as l'occasion de venir. Y'a pas de soucis. Oh putain, si on peut couper Toff en morceaux. Y'a pas de soucis. On fera venir toutes ses ex et elles pourront tous tout essayer avec tout est. Ouais, c'est ça, tout essayer. Bah merci Eric. Bah merci à vous, bonne soirée à vous tous. Et reviens quand tu veux Eric, à bientôt, salut à toi Eric, ciao. Frédéric également qui voulait réagir par rapport à Henri là, qui voulait parler des dons. Frédéric était avec nous de Bretagne, salut le Breton. Salut Mickaël. Comment ça va ? Salut. Ouais ça va. Bon alors c'est quoi, t'as un don toi ? Bah, il a fumé un joint là, je crois. J'ai fumé un pétard. Voilà. C'est quoi, du coup il voit plein de choses. C'est quoi ton don ? Non en fait je fais des rêves et parfois en fait ils se réalisent. Mm-hmm. Je fais des rêves et parfois ils se réalisent ? Ouais. Alors c'est à dire ? Ouais, moi aussi je rêve que je viens à la radio et je viens à la radio. Ouais. Donc vas-y, explique. Non, sérieusement, une fois par exemple, j'étais parti avec un oncle que je connaissais pas du tout à Paris. Ouais. Et je suis passé dans une rue que je connaissais pas du tout et tout ce que j'ai vu en fait, ça s'est passé. Il y avait la fiche qui s'était déplacée au même moment et tout ça. Et au collège, parfois, je sais à l'avance que les gens vont dire. Ah bon ? Ouais. Mais t'es sûr que tu le sais ou tu te dis ah putain je savais que c'était ça qu'il allait dire. Non parce que même dans ma tête en fait je dis le truc et voilà c'est bon, ça deviner. Ah oh, c'est bon. Bon allez, venez nous dire vous si vous avez un don là, 01 42 48 5000 ou peut-être éventuellement le même que Frédéric là. Reste avec nous Fred. Henri bouge pas, Stéphanie va débarquer, il y aura Johan qui voulait donner son avis aussi sur The Voice et puis on aura bien entendu dans quelques minutes le chéri je peux te faire cocu. On écoutera aussi le son de Rehab et Nervo avec Revolution sur Fun Radio, c'est ce qui va débarquer. Bienvenue tout le monde et bon dimanche soir, c'est Mickaël No Limit. On est en direct de 20h à minuit, il y a la PlayStation 4 à gagner, je vous en parle bah, juste après la pub sur Fun Radio. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. Envoyez M-I-K-S suivi de votre message au 64 900 par SMS. Mickaël No Limit. De 20h à minuit sur Fun Radio. Déchirez vos livres et vos cahiers, pissez dans l'encrier, coursez vos profs dans les couloirs. Écoutez Mickaël tous les soirs. Mickaël, No Limit. De 20h à minuit sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio comme d'habitude avec tous vos messages qui arrivent en direct. Il est 20h48, il y a le chéri je peux te faire cocu dans quelques minutes avec Aurélie. Il y a Phoenix qui dit personnellement j'ai fait passer le message à tout le monde pour le dimanche soir, même à ma prof de français. Cool Phoenix, merci à toi en tout cas pour le petit coup de main. Il y a toujours la colle avec Anaïs que nous allons faire aussi dans quelques minutes là. Donc je rappelle, on m'apprécie plus au goût que de me recevoir en pleine face. Qui suis-je? Comme je l'ai donné comme indice tout à l'heure, hein, Toff, on a déjà reçu beaucoup mais de filles. Oui, et en pleine des pipes en l'occurrence. Non, pas du tout, Toff, mais vraiment pas. Bon, si vous avez la bonne réponse, envoyez Mickaël suivi de la réponse au 64 900 par SMS ou venez nous rejoindre et vous pourrez répondre aussi sur le Facebook de l'émission et du coup c'est gratos. Facebook.com/MIKL officiel. Voilà, je vous souhaite bonne chance. On tire au sort avant 22h donc restez bien avec nous sur Fun Radio. Et puis je vous en avais parlé juste avant la pub, la leçon de Rehab et Nervo sur Fun Radio qu'on va écouter dans quelques minutes. Rehab et Nervo donc, je vous le passe dans moins de 10 minutes sur Fun Radio, Revolution, ça va débarquer ainsi que Daft Punk. Et si vous voulez choisir un titre, hein, n'hésitez pas, hashtag et Mickaël sur le Twitter de l'émission, demandez et si je peux vous le passe, sans problème. DJ Koma qui dit Polo tu vieillis vite fait, ça se voit que t'es un enculé tout comme Toff. C'est vrai, non mais c'est vrai, faut dire les choses, il a raison DJ Koma. McDay aussi, The Voice c'est nul, surtout quand Jennifer choisit de prendre sa copine. Oui, bon bah c'est vrai, en tout cas on en parle sur Fun Radio, on va récupérer Henri, Lucille, Frédéric et Florian pour parler des dons. On va récupérer Stéphanie et Johan pour parler de The Voice. Et avant ça, eh ben on va récupérer Aurélie pour parler de Chéri, je peux te faire cocu. Salut Aurélie. Salut. Comment ça va? Ça va. Bon, très bien. T'appelles pour le Chéri, je peux te faire cocu, Aurélie? Ouais. Bon, Aurélie, alors, comment s'appelle ton mec? Yvan. D'accord, alors attends, je note. Mais il a quel âge? 40 ans? Je sais pas, quel âge il a? Non, 21. 21, t'es avec lui depuis combien de temps? 3 ans. D'accord. Et ils vendent quoi? C'est drôle ça. Ils vendent pas, ils réparent. Non mais bon, alors si on vous cherchez bon, en herbe bon. En termes de vanne. Quel talent. Ah bah tiens. Bon alors avant de l'appeler, juste, est-ce qu'il a des défauts physiques? Ouais, il a perdu sa tablette en fait. C'est tablette de quoi? De chocolat? Non, oui. Son ventre. Ah, c'est ça de dos, quoi. Ouais, tablette de chocolat. Ouais. D'accord, bah très bien, donc évidemment moi je serai hyper, ce qui est vrai d'ailleurs, bah, hyper musclé, tablette de chocolat, bon bref, la totale. Tu es tellement beau gosse Mickaël. Ouais. Bon bah elles sont dans mon frigo pour le coup. Et très bien, bah écoute, tout est noté. Alors on est censé s'être rencontrés où? Chez une copine Friska. D'accord. À une soirée. À une soirée, d'accord, ok, très bien. Bon, et bah écoute, on l'appelle, plus il s'énerve, plus t'as de chance de repartir avec les cadeaux, bien évidemment. D'accord? D'accord. On y va, je te souhaite bonne chance, c'est parti, on l'appelle Yvan maintenant. Allô? Oui. Oui. C'est moi, ça qui? Va? Ça va et toi? C'est qui? Ça fait 3 ans que c'est ensemble, c'est qui? En fait, je peux que tu viennes. Pourquoi t'appelles en masqué? Mais quoi? Allô? Oui. Ben en fait, j'étais chez Friska hier, je te l'ai dit. Mm-hmm. Et en fait, j'ai rencontré un gars. Ouais, je crois qu'il le dérange là. Ouais. Et là, en fait, il est à la maison. Et en fait, je voulais savoir si c'est possible qu'il y avait quelqu'un. Hein? Où la maison? Bah chez moi. Ah qu'est-ce qu'il dit? Qui est et hein? C'est lui. Qui? Tu l'as déjà dit ok ou pas? Bah non, pas encore. Bon bah très bien, bah demande-lui alors bah, qu'on n'y passe pas la nuit là. Si, en fait tu pouvais te faire cocu. Ça va pas ma pauvre. Non mais dis-lui, c'est juste un soir, hein, c'est pas une histoire. Voilà, hein, Vas-y, mais ça fait 3 ans qu'on est ensemble, tu crois que je vais te laisser coucher avec un mec que tu connais pas? Mais ben ça va pas, non? Ah mais on se connaît, hein, on s'est rencontrés là déjà. Mais c'est qui? Il habite où? Il habite à Carcassonne. C'est qui? Allô? Oui. C'est qui?

par l'arrière, c'est mort. Même pas. Ah, par l'arrière, c'est mort. Même pas. Non, mais merci beaucoup. Non, mais merci de l'avoir dit. Tu vois, c'est comme ça, je lui demande pas, quoi. Non, mais comme ça, je lui demande pas. Mais sinon, elle suce bien ou pas? Vas-y, mais passe-moi là, là. Elle suce bien ou pas? Ta gueule. Hein, elle suce comment? Elle suce comment? Quoi, elle suce comment? Mais passe-moi là, toi. Mais elle suce bien ou pas? T'es roulou, là. Non, mais elle suce bien ou pas? En film de porno, là, branle-toi, je sais pas, moi. Bah non, mais je vais me branler, mais je vais me finir sur elle, t'inquiète pas, hein, pas de problème. Ouais, ouais, c'est ça, tu vas même pas rien, mon pote. Ah bah tu verras, tu verras. Bah comme tu veux pas mon adresse, je vais pas venir me voir parce que t'as pas de couilles. Non, mais t'es chez elle, apparemment. Oui. Attends, j'avais appelé mon frère, tu vois. Oh, il a besoin de venir avec des amis. Oh, il vient avec eux, avec son armée, il a peur de venir tout seul. Mon armée, tu vas voir, mon armée. Mais tu vas appeler mon frère. Hein, qui c'est ta fiole? Ah, petit tapet, toi. Hein, je vais appeler mon frère, j'ai peur de venir tout seul. Tu m'appelles pour... Mais passe-moi au lit, là. Hein, j'ose pas venir tout seul. Hein, ma chérie, qu'est-ce qui va pas? Putain, mais sérieux, on dirait un gamin. Qu'est-ce qui va pas? Passe-moi au lit, là. Putain, sérieux, c'est quoi ce délire? Eh, tu fais ça souvent, venir avec ton frère, comme ça, quand t'as des problèmes? Non. Ah, c'est juste pour moi? Ah ouais, là, il vient tout seul. Bon, Aurélie, Aurélie, il change souvent d'avis. Hein. Visiblement, en tout cas. Hein. Puis elle rigole. Et ouais, elle rigole. Bon. Elle rigole, elle va vraiment rigoler, toi. Là, j'ai un vrai chier, là, toi. C'est quoi ce truc, là? Tu m'appelles pour me... Tu fais pas mal, là, ou quoi? On est nombreux là. Ouais, mais non, je m'en fous, t'es nombreux. Ça. Non, mais c'est quoi ça? Nombreux, toi là. Eh, regarde, on t'applaudit et tout, on est bon ou pas? Allez. Non, mais c'est quoi ça? Sérieux. Passe mon riz là, au lieu de ma gueule là. Mais vraiment, t'es con ou quoi, où tu le fais soin? Allô? Oui. Passe mon riz là. Tu t'excuses ou pas? Non, je m'excuse pas, mais t'es où? T'es où toi? Passe mon riz. Putain de merde. Putain, c'est quoi ce mec là? Tu joues pas? Et puis passe-moi au relais, je vais lui parler là. Non, excuse-moi, c'est parce qu'elle était en train de me sucer là. Ah, t'as un bon sucer, mais c'est ça, voilà. Elle est en train de me sucer. Tiens, je te la repasse. Aurélie? Ah ouais. Oui? Bon, tu peux lui dire. C'est quoi cette merde là? Mon cœur. Pas mon cœur. Il m'appelle même pas mon cœur, ma pauvre. Tu veux pas faire ça, toi, et tu m'appelles mon cœur, mais ça va pas, non? On est sur cœur. T'es attraqué, là. Quoi? Mon cœur, on est sur cette radio. Quoi? On est sur cette radio. Mais oui, t'es à la radio. Oh, putain, bon enculé. Putain. C'est quoi cette merde, là? Eh ben voilà, c'était le chéri, je peux te faire cocu justement, on remet le couvert demain, on en met un nouveau demain à partir de 21h, demain à partir de 23h, pardon, je vais y arriver moi avec les horaires. Hein. Si vous voulez participer, bah, n'hésitez pas, dès maintenant vous vous inscrivez, hein, venez simplement nous rejoindre en tapant facebook.com/mikaelofficiel ou alors vous nous appelez en direct, maintenant directement le standard. Ça se passe au 01 42 48 5000 ou pour la Belgique, le 02 851 4x0, il y a Didou Doudi qui dit des rires me font exploser de rire, juste énorme pour le Paul PC28 et Nathalie qui dit tapeur, hein, tapeur, oh my god. Ça m'aurait gonflé vite fait. J'imagine, allez bougez pas, c'est Fun Radio. Et on se met Daft Punk sur Fun Radio. Ah non pardon, c'était le rehab que j'avais promis. Ah mais chaque chose en son temps, hein. Daft Punk il arrive, alors désolé dans un quart d'heure. Je vais y arriver, tout ce que je mérite c'est ça. C'est ce que je mérite. Oui, complètement, je m'en remets une deuxième tiens, regarde. Voilà, voilà. Tu es trop violent avec toi-même, Michel. C'est vrai. Soir sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, nos limites. De 20h à minuit sur Fun Radio. Allez, venez prendre le contrôle justement sur Fun Radio. On va récupérer Christine qui est avec nous d'Arcachon en Gironde. Salut Christine. Saluté. Saluté. Eh non, c'est Roger. C'est Roger. Il est parti en vacances, Mickaël. Il est parti en vacances. Comment ça va, Christine? Il est parti en vacances. Ah oui, il est parti faire du ski, Christine. Oui, du ski ou du surf. Pour les vagues de l'océan. Eh oui, probablement. On va se marrer. Christine, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, dis-moi? Pour moi? Ouais. Tu nous appelles pourquoi? Quoi? Qu'est-ce que tu veux, Christine? Combien mesures-tu? Christine. Ah, c'est ça que tu veux. Bon, allez, Christine, combien mesures-tu? Christine, combien mesures-tu? Elle est 62. Combien pèses-tu? Oh. Je reformule, quel est ton poids? Mon poids? Oui. Tout petit. Oui, 55 kilos. Voilà. Quel est ton tour de poitrine? 95 C. D'accord. Et la taille du... Oui, la taille des pantalons que tu as acheté? Du S. Non. Du S. Ah oui, bon, bah, enfin, ouais, quoi. Ça, c'est bon, allez, hop. Bon, je peux lui mettre la musique? Oui, oui, vas-y. Allez. Mais t'as quel âge? T'as quel âge? Ah, 20 ans. Combien? 20 ans et tout. Ah, t'as 20 ans. Ah oui, oh là là, quel bel âge, 20 ans. Ah, mais t'es né en quelle année? Comme Polo. Polo, oui. T'es né en quelle année? Oh, c'est dur. Qu'on essaie d'appeler Gilou ou Jean-François, là. Je pense qu'il va falloir nous filer un petit coup de main. Salut, c'est Jean-François. Jean-François, qu'on n'arrive plus à joindre d'ailleurs depuis mercredi. Mais soit, je suis très inquiet et surtout très triste. C'est peut-être étouffé dans. Mais bah, Christine, je sais pas. T'es de la bonne vieille ou de la vieille avariée? T'as quel âge? 50 ans et. Ah, à 50 ans! Oui, enfin, fut un temps peut-être, hein, aujourd'hui, moi. Bah, t'es plutôt un vieux qu'un, mais enfin. Ouais, bon. C'est drôle, ça t'offre. Moi aussi. Voilà. Bon, et Christine, tu nous appelles pourquoi alors? Elle, ça a fait rire. Pour tout. Pour tout. Eh ben, écoute, j'ai envie de dire pour tant les mieux. Pour les machins, là. Pour les. Ah, tu veux qu'on t'offre un, sextoy? Non, elle a plus l'âge. Mais si. Tu veux qu'on t'offre un sextoy? Hey, oh, elle entend rien, c'est dur. Est-ce que tu veux qu'on t'offre un sextoy? C'est l'âge, hein. Non. Allô Christine, est-ce que tu nous entends? On n'entend rien. Non, oui. Allô Manine. Bon, oui, alors oui ou non? Oui, oh, oui. Elle n'entend rien. Oh, elle n'entend rien de rien de rien de rien. Mamie, c'est Papy Roger au téléphone. Ouais. C'est allô. Roger. Christine. Ça l'a compris. Oui. C'est Roger. C'est Roger. Oui, c'est Roger. Comment vas-tu, Roger? Mais oui. Bon, Christine, mais tu veux un sextoy? Bien sûr, de belles questions. Oh, n'entend rien, n'entend rien, n'entend rien. Bah, oui, tu veux que je te dise? Elle n'entend rien de rien de chez rien. Tu as une idée, Christine? Christine, oui, voilà, ton téléphone, il est, tu le tiens, tu le tiens. Oh là, c'est très dur, c'est très dur. Et arrête ou je te mets une claque, toi, pauvre con. Christine, tu tiens le téléphone de quel côté? Oreille gauche ou oreille droite? Pardon? Tu as le téléphone quel côté? Oreille gauche ou oreille droite? À l'oreille droite. Parfait, mets-le à l'oreille gauche pour voir. Attention, je suis pire que vous, hein. Oui, oui, oui, oui. Donc ouais, vas-y. Tu as changé d'oreille? Ouais, ça marche pas mieux. Alors, c'est je fait? Change. Ouais, mais non, c'est bon, c'est le réseau qui déconne. Ah oui, c'est ça, voilà. Là, oui, on ça. Est con, putain, c'est depuis le début, c'est en ça, fait. Ouais, je croyais que c'était ta tête, mais non. Mais non, non, non, en fait, c'est le réseau. Bon, Christine, bon, tu nous appelles pourquoi? Juste comme ça pour dire bonjour? Non, parce que j'ai entendu le thème de ce soir et... Lequel? Pourtant, on parle pas des vieux. Ouais. Lequel? Oh là là. Merde, j'aurais pas dû. Lequel, pardon. Christine? C'est surtout pas drôle, c'est ça le pire. Ouais. J'ai un fou rire terrible. Eh, on a vu ça. Donc celui de The Voice ou celui du Don? Je pense que t'aurais pas dû non plus. The ouais. Voice. The Voice? Non, enfin bon, laisse tomber. Tu voulais réagir par rapport au Don, c'est ça? Je sais pas écouter, mais j'ai fermé la radio. Oh putain. Ah putain. Oh, on est bien, on est bien. Ah, on est mal là. Là, on est mal, on est mal, on est mal, on est mal. Christine, on est tu veux très pas prendre ta tension. Bon, c'est je mets la clope là, c'est ouais, bah voilà. Voilà. Fais c'est ça. C'est mieux. Bon, bah reste avec nous, Christine, on te reprend dans quelques minutes. Bon, Florian qui est avec nous de trois en attendant. Florian qui lui voulait réagir par rapport au don. Alors, Florian, bonsoir à toi, comment tu vas? Salut, Mickaël. Ça va bien? Salut. Ouais, cool. Bon, ouais. Qu'est-ce que t'as comme don, toi? J'ai avalé un canard et depuis. C'est vrai, ça, en fait, dis donc. C'est ma tante. C'est quoi, c'est ta tante? Ouais. Et c'est quoi ta tante? Alors, elle peut faire, par exemple, un chat perdu. Elle prend une carte, c'est une pendule et elle peut retrouver. Non. Non, c'est pas une pendule, c'est un pendule. Oui, parce c'est un qu'une pendule, c'est plus compliqué à mettre sur une carte. Ou même un pendu, c'est encore pire. Hein. Ah oui, alors là. Il faut prendre le mec qui s'est pendu en fait, hein, et puis on le ramène, quoi, c'est ça. Donc avec le pendule et quoi? Et la carte. Bah du coup, le pendule il réagit avec avec elle puis bah. Mais elle a retrouvé des gens déjà comme ça? Ouais, et un animal de compagnie aussi qu'elle avait perdu depuis longtemps. Ah parce que et elle peut faire disparaître des choses parce que on aimerait bien se débarrasser de Toff. Je sais pas, je pense pas. Faudrait lui demander. Elle est pas là là. Tu l'as pas là non? Elle sait pas hypnotiser non. Les gens parce oui, que hypnotiser, elle va, ouais. Voilà, lui laver le cerveau comme ça, elle reviendra plus. Oh, j'aimerais bien. Sa sale gueule. Si un hypnotiseur qui peut venir ou un acupuncteur ouais. Ou qui lui fille, met hein, les, garçon, les aiguilles dans l'œil. Non, pour qu'on l'essaye avec Toff, c'est pour qu'il balance enfin les vraies vérités. On lui poserait toutes les questions, oh, il balancerait toutes les bonnes réponses. Oh, oui. Et qui sait qu'il lui lave le cerveau que Toff ne vienne plus jamais ici. Exactement, ouais. Ou qu'il revienne mais en mode normal, quoi. Tu vois, plus en mode sale con comme il est aujourd'hui. Oh, ce serait bon. Oh, ce serait bon. Bon, attends, il y a Lucille avec nous qui elle apparemment est voyante. Salut Lucille. Salut. Salut Michel. Lucille, comment ça va? Ça va et toi? Bien, j'ai entendu dire qu'on allait avoir une voyante, est-ce que c'est toi? Non, ah, moi j'ai un don. C'est un don, c'est lequel? Je sais faire la truie. Parfait, alors ne bouge pas, tu vas nous raconter ça dans quelques minutes. Le dimanche soir, 20h minuit. Mickaël, Mickaël, nos limites. Sur Fun Radio. Fun Radio. Un putain de don, hein. Toutes les nuits, au lieu de compter les moutons pour vous endormir, venez compter les têtes de con. Ah oui, carrément. Vous allez kiffer vivre avec nous. Mickaël, de 20h à minuit sur Fun Radio. Exactement, en direct sur Fun Radio, tous les soirs, 21h14. On va continuer à parler de The Voice dans quelques minutes et des dons également. Et puis on va parler de PS4 avec Anaïs qui est avec nous. Anaïs, t'es là? Oui. Très bien, fais péter la colle Anaïs, puisque je vous rappelle que je vous offre une PlayStation 4 et le jeu Battlefield 4. Si vous avez la réponse à la colle d'Anaïs, vas-y Anaïs. On m'apprécie plus au goût que de me recevoir en pleine face, qui suis-je? Voilà, on m'apprécie plus au goût que de me recevoir en pleine face, qui suis-je? J'avais donné un indice, Toff en a pris pas mal, mais venant de meuf hein, en l'occurrence. Donc si vous avez la bonne réponse, comme Ophélie qui proposait une pêchesse, une pêche. Non. On proposait également la salive, la vengeance. Non. Du sperme. Non. Un ton. Non. Non, bon, si vous avez la bonne réponse, à vous de jouer, on donne la réponse avant 22h. Envoyez Mickaël et la réponse au 64-900 ou alors rencard direct sur le Facebook de l'émission et là c'est gratuit. Facebook.com/Mickaël officiel. C'est Daft Punk et Instant Crush qu'on écoute sur Fun. L'excellent son de Daft Punk sur Fun Radio avec Instant Crush. De quoi chiller? On l'a chillé. Voilà, ouais. Pendant que Toff va... chiller. Voilà. 20h minuit. Fuck Mickaël, no limit. I don't fucking care. Sur Fun Radio. Fun Radio. Et on va se faire dans quelques minutes le canular également. Ce sera dans une petite demi-heure. Voilà, le canular qu'on fait comme chaque dimanche et comme chaque jeudi. Si d'ailleurs vous voulez piéger quelqu'un, hein, de la famille, des amis, peu importe, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique pour nous joindre, n'hésitez pas. Il y a Revenge qui a envoyé un message sur le Twitter qui dit j'adore t'écouter le dimanche soir. Mais merci Revenge. Justin aussi, vous êtes superbe tous, continuez comme ça. Enfin, c'est quoi? Comme ça, fin de radio les meilleurs. Il a écrit FIN, alors j'avais pas compris. Jason également qui dit la réponse à la colle, c'est une. Pour une femme, c'est une blifle. Une bifle, non, c'est pas bifle. Ça. Il y a Sissi aussi. Mickaël pour la colle, c'est une pastèque non plus. Raphaël qui propose le chocolat, c'est pas ça. DJ Koma qui dit oh, hypnotiser Toff pour savoir toute la vérité sur sa vie. Putain, trop bien. En plus, on pourra l'enculer en retour. Dis donc, DJ Koma, t'as un problème, toi. Il a un problème, Toff, lui. Le prince Nadia qui dit on passe vraiment une soirée fucking ouf à l'écoute de Mickaël. Ouais, on la remettra d'ailleurs. Hein, pour ceux qui n'étaient pas avec nous la semaine dernière, c'était mardi. Notre invité, c'était Jared Leto du groupe Totally Second to Mars. Et donc également, grand acteur hollywoodien, et oui, ouais. Qui a notamment joué avec Brad Pitt, on l'avait reçu dans l'émission, et d'ailleurs, la vidéo a bien cartonné d'ailleurs, hein, puisqu'il a fait une commande de pizza en direct, mais en français évidemment, et c'est là que c'était très fucking ouf, très fucking ouf. Donc vous pouvez voir la vidéo sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mickaël officiel, et puis on la remettra tout à l'heure. Ça fait pas longtemps que j'écoute Fun, mais je pense que je vais continuer, car vous gérez les mecs, bravo, continuez comme ça. Tu n'as pas mis de nom malheureusement, mais en tout cas je te fais des gros bisous, et puis une bonne poignée de main pour si c'est un mec, et Hugo Réau qui dit Toff, dans l'ancien français ça voulait dire bifleman. Allez, bonne soirée, je prends. Mickaël No Limit avec le retour de Lucille. Bon, alors Lucille. C'est Lucie. Ah, c'est Lucie, d'accord, ok, oui. Parce que dans le standard il est marqué Lucille, très bien. Bon, bah Lucie, alors faut qu'on parle, Lucie, c'est important. Oui. Donc toi tu nous disais que tu avais un don, hein, c'est ça? Un don très fucking ouf. Exactement, qui était de... Faire la truie. De faire la truie. Et mais tu l'utilises comment ce don? Non, mais juste d'abord une autre question. À quel moment tu t'es dit que c'était un don? Non, tu vois ce que je veux dire. À quel moment tu dis oh, j'arrive à faire ça? Oh, Michel. C'est un don. Quand? Oui, c'est vrai. Hein? Tu vois, c'est comme moi, si tu veux, j'arrive à siffler, c'est pas un don, c'est que j'arrive à le faire. C'est possible? Est-ce que t'arrives à faire fuir des agresseurs avec ça? Ah, peut-être. Est-ce que quoi? Est-ce que t'arrives à faire fuir des agresseurs? Des gens qui viennent t'agresser? Non, non, visiblement pas. Visiblement pas. Mais tu gagnes des sous avec ouais. ça. Donc, qu'est-ce que tu fais non, avec ce don? Ça fait rire beaucoup de monde. Ah bah la preuve, hein. Est-ce que tu peux nous faire la truie, justement, pour voir? Oui, bien sûr. Alors attention, mesdames et messieurs, la truie. Oui. Oh, c'est drôle. Ouais. Et est-ce que tu peux commander une pizza en faisant la truie? Possible. Mais c'est tout. Vas-y, enchaîne, quoi. Fais-nous la vraie cochonne, quoi. Ok. Oui. Et quand tu couches avec ton mec, est-ce que tu jouis comme ça? Non. Alors? T'imagines l'horreur. C'est bon ça quand même. Attends, et refais la truie pour voir là. Je vais m'étouffer. Mais non. Oui. Ah, belle truie, hein, très belle truie. Tu es limité quoi t'offres comme animaux? Rien, je suis limité comme animal. Bah attends, t'as bien en faire un. Je peux faire le petit chat, miaou. Ah super. Mais qu'est-ce qu'il est nul. N'importe quoi. Polo, tu sais faire un animal toi? Ah non, moi je sais rien faire moi. Oh, il sait rien faire. Non, sérieusement, je sais pas, avec un mauvais sujet. Je sais pas. Si, je sais faire le tof, mais combien mesures-tu? Ouais, c'est vrai, c'est pas un animal. Si, ouais. C'est quand même une merde d'animal. Ouais, ouais. Si, c'est du caca, non? Ouais, Sandro, tu sais limiter un animal toi? Non. Ah, allez, genre un. Allez, fais vache. Le. Ouais, fais la vache. Mais c'est pas une imitation ça. Alors entre le miaou et meuh. Mais oui, alors là, non, on est au top quand même. Je suis rien imité. Genre le dauphin ou je sais pas. Ah, attends, il y a Bruno, un auditeur qui est passé nous voir là. Prends le micro, Bruno, on t'entend mal sinon. Tu sais. Ah ouais, pas mal. Y a il s'est enregistré quand tu sonnes chez lui, ça fait ouais. ça. Le petit roquet là. Ouais, il y a marqué chez lui, attention, chien méchant. Ah ouais, c'est pas mal. Non, on tient quelque chose là, on tient quelque chose. Bon, et ceux qui sont dans le standard là, il y a Kalissa notamment qui est avec nous là. Salut Kalissa, 29 ans de Besançon. Salut Mickaël. Tu sais imiter quelque chose, toi, un animal ou pas, toi, Kalissa? Ah non, je sais pas de cris d'animaux, non. Oh, dommage. Bon, tant pis, c'est pas grave. Et Anaïs, toi, tu sais imiter un animal ou pas, Anaïs? Moi? Ouais. Non, bon, d'accord, ok, tant pis. Et Christine, attends, parce que Christine, on l'a eu tout à l'heure d'Arcachon, là. Christine. Oui. Est-ce que tu sais, imiter une bouteille d'alcool vide? Mais je suis au roro là. Ah, t'es au roro. Elle est au roro. Ah ouais, c'est bah, quoi du roro? C'est le vin, c'est le pinard. C'est le pinard, le pied de vin. C'est du rouge. Ah, ouais. C'est le fer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. Bon alors Christine, bouge pas, on va te reprendre dans quelques minutes. En plus on a une surprise pour toi, on aurait peut-être retrouvé chaussures à ton pied. Enfin un bouchon à ta bouteille. Kalissa, avant de reparler avec Johan de The Voice, Kalissa donc de Besançon, et on parlait de dons. Alors est-ce que t'as un don en particulier Kalissa, toi ou pas du tout? Alors oui tout à fait en fait, donc moi je suis voyante à la base. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois des trucs sur Toff? Alors, des trucs sur Toff. Bah, en fait, il me faudrait son vrai prénom, donc je peux pas. Ah, bah, il s'appelle Jean-Robert. Je m'appelle Robert. Il s'appelle Christophe. Jean-Christophe Lacouille. Non. C'est ses parents. Ses parents s'appellent Lacouille. Non, il s'appelle Christophe. Ma maman s'appelle gauche et mon papa droite. Alors, moi, on me dit que sur Christophe, je le vois prendre une décision d'entreprendre des travaux dans son appartement. Voilà. C'est soit dû à un dégât des eaux ou à quelque chose, mais il va être obligé de dépenser de l'argent pour son appartement. Oui, dépenser de l'argent. Je refuse. Je suis désolé, merde. Voilà. Mais le problème c'est qu'il aura, il va pas avoir le choix quoi. Après ça va être de choisir quel entrepreneur il prend. Et là c'est assez rapide d'ailleurs, faut qu'il fasse attention. D'accord, ok. Et quoi d'autre sur sa vie personnelle? Amoureuse. Tu vois quelque chose sur sa vie amoureuse ou pas? Alors juste deux secondes, en fait, je voulais juste revenir par rapport au don. Donc moi je veux bien voir des choses sur lui. En fait le problème c'est que moi je suis comme je me rappelle plus du prénom du jeune homme. C'est uniquement par les rêves prémonitoires que les messages me viennent. Ah, d'accord. Quand, merde. Quand donc du de coup, la moi, c'est des cauchemars prémonitoires. Ouais, c'est ça, ouais. Non. Comment quand je fais de la voyance comme ça, en fait, ils me font un support, ils me font un tarot de Marseille. Je pratique le tarot de Marseille. Et voilà. Du savon de Marseille, c'est bon. Avec le savon. Bah écoute, tu sais, il y a plein de façons de pratiquer la voyance. Tu peux lire l'avenir dans les pelures de pommes de terre, dans tout ce que tu veux. Est-ce que tu peux lire voilà. dans les boules? Dans les boules de cristal aussi. Ah, mais il faut qu'elles soient de cristal. Oui, effectivement, oui. C'est impératif. Ah, dommage. Bon, tant pis. Voilà, donc en fait, donc on revenait donc sur le don qu'il a, le jeune homme, comment il s'appelle? Mais il n'est plus dans le standard, il s'appelait comment l'auditeur, j'ai oublié? Harry ouais, c'est pas grave. Henri. Henri, exactement, voilà. Ouais. Donc en fait, si vous voulez, lui, il a un don de médiumnité. La médiumnité, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité d'avoir, de pouvoir communiquer avec l'au-delà, avec les esprits, on va appeler ça comme ça plus communément, capacité à communiquer avec l'au-delà. D'accord. Donc là, ça s'appelle être un médium. Il y a plusieurs façons, il y a parler être prémonitoire, il y a être clairaudient, clairvoyant. Un clairaudient, il va entendre des choses, un clairvoyant, il va avoir des flashs. Ouais. Voilà, maintenant, le fait de faire des rêves prémonitoires, c'est uniquement qu'en fait, quand on est dans une position d'inconscience, en fait, quand on est en train de dormir. D'accord. Il peut communiquer avec l'au-delà que comme ça. Mais le fait qu'il soit médium, il peut développer une intuition, une capacité à anticiper des choses, même quand il est réveillé. C'est pour ça qu'il va pouvoir anticiper, comme il dit, je peux savoir à l'avance qu'un copain va me dire ou quoi que ce soit. Parce qu'il a le don en lui, la capacité à pouvoir anticiper tout ça. D'accord. Voilà. Et toi, t'en es où là, toi? Comment on dit chez toi? Comment ça, comment on dit chez moi? Mais toi, t'es voyante, alors, enfin, tu... Ah oui, moi, je suis voyante, oui, tout à fait. Moi, d'accord. Je travaille avec le tarot de Marseille, mais je fais des rêves prémonitoires. Mon don de médiumnité, c'est les rêves prémonitoires. D'accord, et tu peux faire un truc sur toi, ou pas, alors? Ah, un truc sur toi, oui, bah alors, tu me laisses deux secondes, je me prends... Ah bah vas-y, cartes, hein. Ah bah attends, bah prends les non, cartes, Calissa. Je suis opérationnel. Ah bah bouge pas, Calissa, attends, Lucie. Bon, eh ben écoute, on va pas te déranger plus longtemps avec toute la famille cochon, hein. Hein, on va pas te déranger plus longtemps. Ils sont tous là, c'est génial. Arrête, Tof, tu peux pas dire ça, Tof. Et puis tu reviens quand tu veux, je te fais des gros bisous, Lucie. Merci. Salut, Lucie. Johan et Stéphanie dans quelques minutes pour parler de The Voice, la réponse à la colle d'Anaïs pour gagner la PlayStation 4. On va présenter Christine plutôt, qui a eu la picole facile, justement. Et puis on va se faire les appels de Tof. Tout ça, c'est ce qui va débarquer sur Fun Radio, juste après le son de Showtech qu'on écoute maintenant. Eh ouais, we like to party sur Fun Radio. Il est 21h28, bienvenue tout le monde. Il y a Zlin également sur le Twitter qui dit de 7 à 77 ans, c'est sur Fun Radio que ça se passe. Mickaël No Limit, merci beaucoup. Et Stéphanie qui dit Christine vit dans un autre monde, je crois, mais ça a l'air sympa chez elle. Ah oui, complètement, ouais. Pété de rire aussi la Christine, là, et on va la reprendre dans quelques minutes, Cali. Et Sissi qui dit bonsoir toute l'équipe, coup de pelle pour mon heure de retard. Ah bah je te confirme. Voilà, tu l'as le coup de pelle, tiens. 21h28, bienvenue, c'est Mickaël No Limit, 20h minuit le dimanche, et c'est Showtech qu'on écoute. We like to party. Le son de Showtech à l'instant, We Like to Party sur 0-0 également pour le match Lille face à Lyon, pardon. Je vous tiens au jus, bien entendu. Lille-Lyon, toujours 0-0. Si vous avez des pronostics d'ailleurs, n'hésitez pas. Si Mickaël et son équipe avaient vécu dans un autre siècle, ils auraient été exécutés. Car ils sont trop dangereux. Mickaël No Limit. En 2014, ils sont en liberté. Mickaël, de 20h à minuit sur Fun Radio. Yes, j'ai une grande nouvelle pour... J'ai une grande nouvelle, c'est Pharrell Williams qui n'est pas un vampire. Donc pour les fans de Pharrell Williams, bonne nouvelle. Il a déclaré ça dans le Mac Time Out. Il a dit qu'il n'était pas un vampire, qu'il ne buvait pas de sang humain et qu'il nettoyait simplement son visage. Ah ouais. Ouais. Ouais. À l'eau froide, je crois, il disait. Ouais. Il a dû s'expliquer parce que sur Facebook, il y avait un montage photo qui montrait qu'il ne vieillissait pas. Et bah, je vais vous le mettre sur sur la page de l'émission, là, facebook.com/mikaelofficiel. Et puis je voulais vous demander aussi si vous pensez que ça existe, les vampires, hein, parce que c'est pas la première fois, c'est pas la première star qui est accusée d'être un vampire. Il y a eu Nicolas Cage, il y a eu Jay-Z également, etc. Tof. Et oui, exactement. J'aimerais bien être un vampire. Voilà, c'est ça. Hein, et il aimerait bien. Il pourquoi faire plus, lui. Ouais, peut-être. Ouais. Non, mais si. Ça veut dire que t'es immortel, donc, et en plus voilà, c'est ils ont un pouvoir d'attraction sur ouais, les femmes. Sauf que tu peux sortir que la nuit parce que t'es brûlé la moitié de la journée. Oh, mais ça, ils s'en foutent, même pas le soleil. Moi, je dors dans un cercueil avec du sable. De, ça, c'est bon. De Transylvanie comme Dracula. Exactement. Ah, mais ouais. C'est ça qui est bien, c'est que t'as juste besoin d'un cercueil pour dormir. Il a un château à Bucarest. Mais tu peux rien faire. Comment ça, tu peux rien faire? Mais tu peux rien faire la nuit. Ah bon, il y a rien à faire là. Non, il y a rien à faire. Ouais. À écouter l'émission déjà, donc tu peux écouter l'émission Pépère est dehors. Voilà, t'as vu, c'est quand même vachement bien. Je pourrais aller sur mon petit banc à Paris avec ma radio, écouter. Ce serait bien, non? Ce serait une idée. Bon, il y a Diogo qui dit je vous kiffe, vous êtes au top. Merci beaucoup, Romain, qu'il y a une mille falantaine. Oui, on va la prendre dans quelques minutes. Mais avant cela, on va faire les appels de Tof. L'appel de Tof, donc, c'est les femmes, qu'est-ce qu'elles préfèrent en termes de sexe?

Oui, j'ai compris, oui. Je vais te sodomiser, toi. Je vais te casser les reins. D'accord? Le coccyx, tout. Je vais tout te casser. Je vais te casser en deux. Tu as compris? Le coccyx, tout. Tout. Je vais te démembrer, hein, bâtard. Fils de bâtard que tu es. Tu es un gros bâtard. Hein? Tu es sûr que t'as tapé à la batte de baseball, ta merde, ton garçon, hein, pour être con comme ça. Hein? Profite, allez, va, file, va. Ah, il était bien, il était bon, il violence, était bon. Là, quand même, un scandale. Ah, je l'aime. Oh là là. Bon, on va continuer à parler là des esprits, mais avant ça, on récupère Johan qui voulait parler de Voice, puisqu'on en parlait en début d'émission. Hein, Jennifer qui a sauvé Jenny Lynn, qui comme par hasard était la meuf qui a fait ses premières parties pendant plusieurs années pendant étrange, ses concerts. Jenny Lynn qui est donc une chanteuse confirmée. Et donc du coup, qu'est-ce qu'elle fout dans The Voice? C'est ça la grande question. Alors Johan qui avait son avis là sur la question là. Salut Johan. Salut l'équipe, salut Mickaël. Comment ça va? Bien et toi? Bien. Par contre, oui, ça, tu vois, c'est une honte, parce que normalement, le principe de l'émission, c'est d'être objectif. Ouais. Elle l'a pas été, déjà. D'accord. Et deuxièmement, c'est pas The Voice qui devrait s'appeler cette émission, c'est The Pub. Pourquoi? Parce qu'une pub de 2 minutes toutes les 30 secondes, au bout d'un moment. Ah bah oui, mais ça, c'est parce qu'il y a 10 millions de personnes qui regardent, alors forcément, t'inquiète pas que TF1, ils essaient de... C'est pas général à la une, hein, la 6, c'est pareil, moi, oui, mais voilà. Non, mais ça, c'est un autre débat, après, le fait de mettre de la pub tout le temps. C'est dégueulasse, quoi. Non, mais je suis d'accord, mais après... Je suis abonné à Canal Sat, et puis j'ai le disque dur, et j'ai les enregistres, et je les regarde après. Et t'enlèves les pubs. Ouais, bah après, Jenny Lynn, c'est honteux, quoi, attends. Oui, bah voilà. Il y a favoritisme, quoi. Donc, pour toi, c'est pas juste. Bah oui, bien sûr. Bon, attends, on va demander l'avis de Stéphanie aussi, qui est avec nous. Moi, si j'avais dû choisir en physique, j'aurais pris Sarah Jade aussi. Oui, mais ça, c'est un autre problème. Salut Stéphanie. Bonsoir. Oui, bonsoir. Tu veux me demander quoi, Johan? Ouais, là, juste pour demander à Thor s'il est un peu marre de se faire insulter, quoi. Non, il adore. Regarde, je vais lui en mettre un petit. C'est pas possible, vous les chauffez avant, c'est pas possible. Mais non, on les appelle comme ça, c'est les numéros qu'on envoie. Mais en même temps, on demande aux auditeurs de nous envoyer des numéros de téléphone de gens qui sont déjà naturellement chauds. Donc bon, c'est pour ça, on se facilite un peu la vie. Après, un titre, s'il te plaît. Dis-moi, bah vas-y, qu'est-ce que tu veux? Un vieux titre, Benny Benassi ou Ebenassi Bros, ou l'un ou l'autre. Oula, ouais, pas de problème, attends, il faut que je retrouve. Attends, faut que je retrouve et je t'en mets avant la fin d'émission, promis, Johan. Mais reste avec nous. Je vais fouiller ça, la décharge. Ouais, okay, Stéphanie, donc tu t'en penses quoi, toi, de Voice, là, de cette, l'édition de ce week-end? Ben, en même temps, ça m'étonne qu'à moitié de Jennifer. Parce que l'année dernière, souvenez-vous, il y avait Sonia Lassen, ouais. Et elle a fait pareil, elle a sauvé Sonia Lassen quasiment tout le temps, alors qu'elle ne méritait pas d'être là. D'accord, ok, très bien. Et donc, mais par rapport à cette année-là, c'est par rapport à Jennifer dont on parle. Eh ben oui, c'est Jennifer l'année dernière, Sonia Lassen a été dans son équipe. C'est non, mais quand je dis Jennifer, c'est par rapport à ce coup-ci avec Jenny Lynn, ça que je veux dire. Bah c'est pareil, c'est Jenny Lynn, voilà, c'est sa copine, alors elle la sauve, et Sonia Lassen, c'était pareil. Ouais. Sa copine, donc elle la sauve, et je trouve donc, ça dégueulasse. Puis l'autre, elle a rien à foutre là. Elle est, donc faudrait virer Jennifer. Bah ouais. Bon, d'accord, ok. Non, mais c'est bien. En même temps, elle s'en va, non? C'est sa dernière après, saison. Oui, ah, c'est vrai qu'en même temps, elle avait non, dit qu'elle. Ce qui paraît, c'est des conneries. C'est ah des bon conneries. Ouais, bon. Ouais. J'ai vu un article comme quoi que c'était des conneries, qu'elle avait jamais dit ça. Ouais, faut bien qu'elle vive, la pauvre, hein, puisque c'est pas avec le nombre d'albums qu'elle vend en ce moment. Bah oui, c'est sûr que c'est un peu compliqué, c'est clair. Bah merci, merci Johan, merci Stéphanie d'être passé là. Ouais, merci. Et Mickaël? Oui. On retrouve quand Jean-Pierre Sauzère? Bah écoute, je sais pas, mais qu'il nous appelle, hein, Jean-Pierre, hein, s'il veut, y a pas de problème. Hein. C'est longtemps qu'on l'a pas entendu. Hein. Ah ouais, mais Gilou, on l'a eu la semaine dernière. Jean-Pierre, c'est vrai que ça fait deux semaines, là, à peu près, effectivement. On va remettre une rubrique à tous les deux. Bah oui, respecter. Ce serait bien. Et on essaie de retrouver Jean-François également, là. Salut vous deux, merci en tout cas d'écouter Fun, à bientôt. Bisous. Salut Steph, salut Johan. Retour avec Alissa dans quelques minutes, qui est voyante et qui a préparé apparemment le thème de Toff. Et ça, je pense qu'on va se marrer. Alissa, t'as préparé le thème alors ou pas? Ah, j'ai pas préparé le thème, j'ai juste regardé sur le domaine affectif émotionnel. Très bien, alors n'en dis pas plus, voilà. On va en parler dans quelques minutes. Reste avec nous Calissa, on va se faire la colle avec Anaïs dans quelques instants. Et on va présenter Christophe et Christine également dans quelques instants. Prenons déjà une idée de la voix de Christophe. Christophe? Oui, bonjour Mickaël. Comment ça va? Ça va, impeccable. Toi aussi t'es sur le rouge là comme Christine ou pas? Un peu, ouais. Un petit peu, c'est parfait, mais il vaut mieux Christophe, hein. Vous allez vous comprendre, c'est ça qui est bon. Christine? Oui. Yes! Oh là là là là, je te présente Christophe dans quelques minutes, d'accord? Ok. Bon, très bien. Ouais, parce qu'elle était dans le frigo là. Donc, ah bah, elle cherchait une nouvelle bouteille. Hein. Elle était en kit main libre à mon avis, je pense. Ouais. Bon, restez là, il y a Shakira dans quelques minutes. I can't remember to forget you sur Fun Radio. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. Envoyez M-I-K-S. Suivi de votre message au 64 900 par SMS. Mickaël, no limit. De 20h à minuit sur Fun Radio. Mickaël, No Limit, 20h minuit sur Fun Radio. Toujours en direct dans toute la France sur Fun Radio. Et bah oui, il y a Sissi qui dit Ginny Lynn est une artiste extraordinaire qui mérite d'être dans The Voice et de gagner cette année. Non mais qu'après c'est soit une artiste, c'est pas un problème. C'est juste qu'elle a déjà fait ses preuves quoi. Elle a déjà fait les premières parties, elle a déjà fait plein de trucs, donc elle a rien à foutre dans The Voice. Non, c'est ça, c'est elle, elle de se refaire connaître quoi. Voilà, qu'elle soit dans le jury, elle a mis pourquoi pas, mais c'est voilà, c'est juste ça le débat qu'on a lancé. Hein. Rien de bien exceptionnel, mais c'est juste un avis que j'aimerais bien avoir, enfin vos avis en l'occurrence. 01 42 48 5000. Anaïs, refais péter la colle s'il te plaît ma belle. Oui. Vas-y. On m'apprécie plus au goût que de me recevoir en pleine face. Qui suis-je ? Voilà, on m'apprécie plus au goût que de me recevoir en pleine face. Qui suis-je ? On donne la réponse dans quelques minutes. Si vous l'avez, cette bonne réponse, vous pouvez envoyer simplement M-I-K-L suivi de la réponse. Envoyez ça au 64 900 par SMS ou alors venez nous rejoindre sur le Facebook de l'émission. On est quasiment 350 000 hein, en 7 mois là seulement, c'est pas mal. Vous continuez à venir nous rejoindre et vous pourrez aussi choper la PlayStation 4 et le jeu Battlefield 4. Facebook.com/M-I-K-L officiel. Je vous attends évidemment. Je vous cale aussi le son comme je l'avais promis, de Shakira Rihanna. C'est ce qui va arriver. Can't remember to forget you sur Fun Radio. Restez bien sur Fun Radio. Il y aura aussi tout à l'heure le son de David Guetta avec Shut Me Down. Et si vous voulez écouter un son en particulier, là, hein, comme Johan qui voulait écouter le son de Benny Benassi ou Benassi Bros, eh ben on va essayer de trouver ça dans la machine. Hein. Je pense qu'il devrait y encore y avoir ça. Et on vous le mettra évidemment sans aucun problème. On va continuer à parler des dons dans quelques minutes. On va continuer à parler aussi de Christophe et de Christine, hein, qui étaient un peu bourrasses et qui veulent se présenter mutuellement. Mais avant cela, on va se faire le canular avec Céline, qui est avec nous. Bonsoir Céline. Bonsoir Mickaël, bonsoir tout le monde. Comment vas-tu Céline? Ça va très bien. Bon, tant mieux. Céline, tu nous appelles pour le petit canular? Oui. Bon, parfait. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, dis-moi? Alors, on va embêter Fabien. C'est-à-dire? Alors, on va lui dire que j'ai rencontré, lorsqu'on est allé à Disney, un Parisien, parce qu'on est de Marseille, donc ça coince un peu. Ouais. On va lui dire que j'ai rencontré un Parisien et qui plus est un flic. Ouais, à la limite, ce qu'on peut dire, c'est que on a un peu parlé et tu m'as dit, ouais, je viens de Marseille, blablabla. Bah, quand tu passes sur Marseille, appelle-moi et puis on ira boire un verre. Ce que nous venons de faire, voilà, donc ça c'est ce que nous venons de faire, t'es dans ma voiture. Il aime bien les voitures ou pas? Est-ce qu'il aime bien les grosses voitures, sport et tout ça? Ah oui, il aime bien, il aimerait bien. Voilà, une petite Porsche biturbo comme ça, bien tranquille. Voilà. Je suis descendu à Marseille, que j'ai réservé un hôtel, mais que malheureusement la réservation a foiré, on n'a pas pu aller plus loin, enfin bref, une histoire. Et donc du coup, tu vas lui demander si je peux dormir à la maison. Voilà. Sauf qu'entre temps, je vais lui prendre la tête, je vais l'insulter, etc. Marseillais enculé, enfin bref, finis tout ça quoi, tout un. Très bien. Bon, eh ben on y va, on l'appelle, alors bonne chance, et puis nous on est en voiture là. Voilà. Allez, on est ensemble. Très bien. Ouais, on est déjà en voiture et tout, tranquille. Et voilà, parfait. On y va, Céline? Allez, on y va. Allez, vas-y. Bonne chance, hein, Céline. Hein. Ouais, il est plutôt du style à s'énerver rapidement ou pas? Comment? Il est plutôt du style à s'énerver rapidement? Non, pas rapidement, mais quand il s'est énervé, il s'est énervé. D'accord, ok, très bien. Bon, bah, du coup, je redémarre la voiture. Alors, bouge pas. Merde. Voilà, parfait. Hop. Allez, vas-y. Allez. Est-ce que mon klaxon ment? Parfait. T'as mis un peu de musique. Ah oui, c'est con d'avoir une voiture si chère. Allô? Ouais, Dou, c'est moi, ça va? Oui, ça va, Tu veux travailler? Ouais, je m'appelle, pourquoi? Bon. En fait, là, je suis en voiture. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Je suis avec un ami qui s'appelle Michel. Oh vas-y avance un putain là! T'es pas à la maison? Non mais je vais rentrer, je vais pas tarder. Mais en fait la question c'est ça. Tu te souviens quand on est parti à Disney? Ouais. Tu sais, j'ai rencontré quelqu'un, enfin un collègue, hein. J'ai rencontré un collègue donc qui s'appelle Michel, qui habite à Paris.

plus de violence là pour un Marseillais. Pas assez d'insultes. Pourtant je t'ai chauffé, hein, mais à mon avis c'est parce que t'es au boulot, t'as des gens autour de toi. Ma foi, c'était le... C'était le canular du jeudi, qu'on va refaire évidemment, hein, si jamais vous voulez le faire également, n'hésitez pas, 01 42 48 5000, appelez-nous. Et pour la Belgique, le 02 851 4x0. Et vous l'avez bien kiffé, bah tant mieux. Kent également qui dit mort de rire. Le canular, il y a Fred S34 qui dit le kiff. Marc qui dit c'est pur délire tous les soirs. Que ce soit chez moi ou au volant du camion, continuez comme ça. Magda également qui dit je ne sais pas où on est, mais on est tout près, il y a des poubelles partout. Oh, c'était une façon de parler, c'était non, pour rire. Vrai. Annie également qui dit excellent le canular là pour le coup de la voiture, génial, bravo et bonne nuit à toute l'équipe. Et le prince Nadia, trop génial le canular, on s'y croirait vraiment. Bah c'est le but en même temps, hein. Si aussi, mort de rire Michel, le mec le plus sociable du monde. Bah évidemment, je suis là tellement gentil, je ne comprends pas qu'on puisse ne pas m'aimer, tiens, c'est dingue. Et Phoenix également, énorme le canular, je suis pété de rire. Bon ben merci en tout cas pour tous vos messages. Continuez bien sûr avec le hashtag et Mickaël. On fera d'ailleurs un top tweetos tout à l'heure. Enfin un top tweet plutôt. On va voir comment ça va se passer. On peut faire un petit tour maintenant pour voir. Bien je rappelle sûr. Que c'est le numéro 1 qui repartira ce soir avec le sextoy offert par passagedudésir.fr. Le sextoy ou le t-shirt comme un air de rock. Ah, on peut choisir cette semaine. Aujourd'hui on peut choisir. Oh là là, voilà. C'est beau. Offert par comme un air de rock.com. Non, pas du tout. Comme un air de rock tout court. Bon, bon alors, donc il faut être numéro 1, je le rappelle, pour tenter de gagner. Alors, en numéro 5, il y a qui actuellement? Le prince Nadia. Numéro 4. Hugo Réo. Numéro 3. Christian. Numéro 2. Samy. Et numéro 1. Magda. Voilà, Magda, ce serait toi qui gagne. Bah, soit le sextoy, donc au choix, soit le t-shirt comme un air de rock. Au choix également, tous les modèles sont sur le Facebook de l'émission. Vous pouvez aller voir hein, si vous connaissez pas encore. C'est super cool comme t-shirt. Ce notamment avec la tête de mort et la tête de Mickey en tête de mort. Je les adore. Et j'en mets souvent. Donc vous pouvez les voir aussi souvent sur les photos. Voilà, facebook.com/mickaël officiel pour les voir. Et puis sinon, hashtag Mickaël. Mettez un maximum de messages pour terminer premier du top tweetos tout à l'heure à minuit. Bon, Damien également qui dit je vous adore Mickaël, ça fait 3 jours que j'écoute la radio et je kiffe déjà. Cool Damien, merci. Et fais passer le message également à tous les autres, hein. N'oublie pas, hein, tous les soirs 20h minuit, enfin tous les dimanches 20h minuit et tous les soirs 23h 2h. D'ailleurs t'as mérité un petit message de bienvenue. Je vais venir, je vais t'enculer ta race de merde, je vais t'enterrer, je vais te mettre ma bite sur la tête, je vais te couper ta croissance toi. Voilà, comme en toute simplicité. Trop de sympathie. Bon, retour avec Kalissa également, voyante et qui apparemment a fait le petit tirage de cartes ou je sais pas quoi de notre ami Toff. Bon, alors que va-t-il se passer dans sa vie privée? Ah ben il va pas être déçu là, hein. Alors il y a une situation ambiguë qui se fait sur la première partie de l'année à peu près jusqu'au mois de juin. D'accord. Mais ambiguë. Attends. Alors vas-y, je poserai mes questions après. Comment? Ah d'accord. Vas-y. À partir de l'été, on sent qu'il va vraiment s'engager parce que dans le fond, Christophe est quand même un grand romantique et quelqu'un qui a envie de Oui, je n'arrête pas de le dire que je suis un grand romantique. Moi j'en ai rien à foutre, je les baise. Ouais, je les baise et j'en ai rien à foutre. Bon, et alors après, quoi d'autre? Vous avez entendu que je suis un grand romantique, appelez-moi. Et après? Eh ben après, il faut qu'il fasse attention parce que pour moi, donc sur le dernier trimestre de l'année 2014, il y a l'annonce d'une grossesse. Donc il faut qu'il fasse très attention. Oh, on est bon là. Je vais aller faire ton bruit. Mais la question c'est avec quelqu'un que je connais. Comment? Avec quelqu'un que je connais déjà. Je ne pense pas non que tu la connais parce qu'on parle plutôt de quelqu'un de quelque chose caché. Ouais, c'est vraiment tout doucement là. Attends, j'ai pas compris. C'est quelqu'un de caché, c'est quelqu'un que tu connais pas, je pense pas. Ah d'accord, c'est quelqu'un que je connais pas. Donc je dois encore la rencontrer. Voilà, tout à fait, ouais. D'accord. Oh, on va être bon là. Ah bon, on va être bien là, on va être bien. Oui, je voulais juste passer un petit message en fait à tous les auditeurs. Je les invite à aller sur YouTube et à regarder Street Voyance. Et d'accord. Aller sur la page Facebook Street Voyance. En fait, on fait un principe, un concept d'émission de télé où on représente le milieu de la voyance, où on n'a pas peur de dire les choses. Ah bah oui. Et on casse un peu la... Non mais il y a beaucoup de choses secrètes au milieu de la voyance et là en fait on dit les choses. Donc voilà, j'invite tous les auditeurs à aller voir Street Voyance. Attends, d'accord. Comment on n'a pas fini là? Ah ouais, mais Kalissa, ouais, je sais que t'es à Besançon, donc ça fait un peu loin, mais passe à la radio à soir. Hein. Oui, mais en plus j'ai fait de la radio déjà. Ah bah en plus de la radio, oui. J'ai une émission de voyance. Eh ben voilà. Mais hey, t'as regardé un peu pour l'émission. Hey, mais par contre, attention, Mickaël, hein, moi je te prends en main, je monte et je te fais une soirée. Là, je fais de la voyance. Qui ouais, on va problème. Pas faire la soirée, soirée voyance hein, non plus. Hein, mais ah bon, non, oui, oui, viens. Voyance, mais je viens un petit peu, y a pas de problème. Ah bah, et... bien sûr, attends, parce que. C'est peut-être avec toi le bébé va savoir. Ah peut-être alors comment Calissa. Ah non c'est pas avec moi non. Calissa, combien mesures-tu? Oulala, j'étais 1m70. Combien pèses-tu? Oulala, 65 kilos. Quel est ton tour de poitrine? Ah bah c'est trop personnel ça. Mais non, de toute façon on le verra quand tu viendras. Ah non, c'est pas moi, c'est sûr, c'est pas moi. Non mais quel est ton tour de poitrine quand même? Je ne dis pas mon tour de poitrine. Attends, t'as bien le droit de voir que je vais avoir un bébé tout ça. Et moi j'ai pas le droit de savoir combien fait ton tour de poitrine. Exactement, c'est ça, t'as tout compris. Allez, allez, allez, oh, de toute façon, on partage. Il faut bien qu'on partage l'information. 800 F. Quoi? Ça te va? 800 F. Comme très fucking hoof. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? Non, c'est bon, merci. Bon, non, t'as vu comment ils sont? T'as vu comment ils sont, mais... ces voyants? Ils savent tout. En tout cas, toi, ta gueule, tu vas être daron, alors tais-toi. Dans quelques temps, toi. De quoi? Et il dit, il va falloir t'acheter des pantalons pour faire l'enceinte dans quelques temps. Allez, feu d'artifice. Hey, t'as pas d'autres trucs là? T'as pas d'autres dossiers? Calissa, t'as pas d'autres dossiers là? Ah non, j'ai pas d'autres dossiers. Est-ce qu'il va se faire virer ou pas? Non, je crois pas. Oh merde, il va faire ça longtemps, il va rester là. Il faut savoir quand même qu'il faut être concentré vraiment pour faire ce genre de choses, quoi, tu vois. Bon, alors ce que je te propose, c'est concentre-toi et on te reprend demain, comme ça t'as le temps de tout voir en détail, pépère. On fait ça? Non, mais moi je rigole pas, je veux vraiment venir vous voir. Bah oui, mais viens, mais moi je rigole pas non plus. Bah viens quand tu veux, pas d'accord. De problème. Bon, on fait comme y a ça? Pas de ça roule. On fait comme ça, bonne soirée. Eh, Calissa, regarde si je veux avoir ma Porsche. Oh, arrête un climat, que dalle. Eh oui, c'est noir. Ça. Là, c'est pas tout de suite, là, à mon avis. Ah bah voilà. Faut déjà changer de travail. C'est ça, ouais. Bon, salut Calissa, gros bisous à toi, je t'embrasse. Et merci de passer sur Fun, reste avec nous surtout. On va se mettre comme promis dans quelques minutes le son de David Guetta sur Fun Radio, ce sera Shut Me Down. Et si vous voulez parler avec nous, bah, vous êtes les bienvenus, on est là jusqu'à minuit comme tous les dimanches soirs sur Fun Radio. Message de Phoenix qui dit tof, papa, ce serait un désastre, je confirme. Pas grave. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Oh, Mickaël, nos limites. De 20h à minuit sur Fun Radio. Pendant que la nation s'enfonce dans la bêtise, il reste un endroit où vous détendre, vous amuser et respirer. Mickaël nos limites, nous, on vous laisse pas tomber. Mickaël, de 20h à minuit sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio comme tous les soirs dans toute la France avec la réponse dans quelques minutes à la colle d'Anaïs donc pour gagner la PlayStation 4 et le jeu Battlefield 4. On m'apprécie plus au goût que de me recevoir en pleine face. Vous avez la bonne réponse, tant mieux. Envoyez M-I-K-L suivi de la réponse au 64-900 ou alors sur le Facebook et en facebook.com/MIKLOfficiel. Je vous souhaite bonne chance, évidemment. On va aussi, dans quelques minutes, récupérer notre ami Christophe et Christine. Vous êtes toujours là, tous les deux, là? Oh là là. Oui. Ça va être du lourd, hein. Christophe et Christine, vous êtes là, tous les deux? Oui. On va vous reprendre dans quelques instants. Et Christine, t'as été picolée, là, ou comment ça se passe? T'es où, là? Oh, là, t'es picolée. Là, je suis dans le micro-ondes. Tu es dans le micro-ondes, c'est très bien. Ressors de là immédiatement, là. Ressors de là immédiatement. Bon, restez avec nous tous les deux, on va vous reprendre juste après. Et Romain qui dit dans le générique qu'il avait tout prévu. Toff en père de famille. Ah oui, c'est clair, effectivement. Allez, 22h12 sur Fun Radio, c'est Mickaël No Limite. Bienvenue tout le monde, David Guetta, c'est Shut Me Down. I was 5 and he was 6. Le son de David Guetta sur Fun Radio, Shut Me Down. Hello. Arrête de me faire chier. Mickaël No Limite, 20h minuit. Sur Fun Radio. Et on est en direct évidemment sur Fun Radio. Continuez à lâcher tous vos messages bien entendu avec le hashtag et Mickaël notamment sur le Twitter de l'émission. Hein, donc n'hésitez pas. Et puis on va également récupérer Christophe et Christine. Vous êtes là tous les deux? Oui. Christine? Putain, elle n'est pas de nouveau partie picolée quand même. Christine? Je pense qu'elle nage dedans là en ce moment. Oh là là, Christine. Oui, je suis là. À la bonne heure. Hey. Bon, alors t'as. À la bonne heure. Eh oui, Christine, donc qui a comment dire des mensurations plutôt bien malgré un âge avancé. Oui, c'est vrai. Hein, 1m62, 55 kg, 95 C et S en pantalon puisque bon les chiffres c'était trop dur. Hein, elle arrive plus à les lire. Et donc Christine. Christine, il y a Christophe qui est là. Oh putain. Et ça s'arrange pas avec l'heure. Hein. C'est ma faute, j'aurais dû le faire depuis le début de l'émission. Oui. Oh oui, Christine, tu me donnes mal au crâne. Un verre plus un verre plus un verre. Ah bah égale trois verres. Hein. Allô, enfin, égale surtout l'état de Christine. Hein. Ouais. Attends. Mais on attend quoi? faut faire une animatrice moi aussi. Hein. Non, non, non, non, mais okay. Chacun, chaque chose en son temps. Hein. C'est, il y en a qui oui, picolent oui, et puis il y en a qui animent. Bon, alors. Christophe. Oh, mais non, on a perdu l'autre. Christophe. Allô, ah voilà. Christophe, je te présente Christine. Bah, bon courage. Oui, à nous bonjour, surtout. Christine. Salut, T'es. Oh, t'habites où? Ah. Là, ils nous entendent plus. Hein, donc, t'habites où, bien, toi? Parce qu'on va se marrer. Hein? T'habites où? Où? À quel endroit? Toulouse. Moi, c'est sur le bassin d'Arcachon. Génial. Ouais, c'est loin. Mais c'est loin, oui, absolument. T'as quel âge? Oh là là là là là. 39 ans. Oh là là. Mais 39 ans? Oui. Oh là là. Okay, d'accord. Avec ce reniflement là. Je t'abourasse. T'as quel âge, toi? Ah non, non. Hein? T'as quel âge? Moi, j'ai 30 ans. Ouais, bah alors là. Ah. Dans un autre monde alors, hein? Oui. Ah, c'est bon. 95C. Elle a elle a envie de prendre cher ce soir. Oui. Et small au niveau de pantalon. Small. Une blonde aux yeux bleus. Ouais, ah, j'adore ça. Bon, enfin, c'est plutôt blanc maintenant, hein. Une blonde aux yeux bleus, non? Oui, une blonde. Non, blanc, blanc. Oui, c'est pas grave, je réessayerai un autre jour. Bon, eh, hey, dis donc, c'est une affaire qui roule, on va vous laisser aux antennes, comme ça vous allez faire connaissance, hein. Bah oui, parce qu'on voudrait oui, pas gâcher la fête. Mais non, on est pas trop loin, c'est un détail, ça, c'est rien, ça, c'est rien. Mais oui. Mais oui, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Hein, c'est rien du tout. T'as une grosse bite ou pas? Oh là là. Oui, c'est le droit de queue, ouais. Oh là là. Oh putain. Hey. Faut qu'il y ait la chasse, là. Elle fait 22 cm. Hein? Elle fait 22 cm. La bouteille. Oh, l'autre, il a une grosse bite, l'autre, on entend rien. La bite, la queue, toi. Oh là là. Bon, on va pas vous déranger plus longtemps. Hein? Allô? Oui. Je disais, on va pas vous déranger plus longtemps. Je sais que vous avez beaucoup de travail. Hein? Le télé est déchiré. Complètement. Et on va vous donner les numéros de téléphone de l'un et l'autre. Hein, d'accord? Voilà. Et si vous ne vous sentez pas obligé de passer par nous pour vous appeler. Voilà. Et surtout, évitez d'aller boire un verre. Et soyez heureux. Faites plutôt un petit repas. D'accord? Oui. Oui, c'est parfait. Salut et tous les deux, hein. Moi. Oh là là là là, bon. Allez, on va les reprendre en antenne. Écoutez, écoutez. Ah, ça fait du bien. Oh, mais putain, il faut qu'il parle avec sa gueule de merde. Écoutez. Oh, c'est beau le silence. Oh. C'est vrai. Ah, oh, ça fait du bien. Wouh. Pouf. Marion qui envoie un message qui dit: on peut gagner des t-shirts chez Mickaël, j'adore ces t-shirts, ils sont excellents. Ouais, c'est les Commanders de Rock, c'est la marque. Et on peut les gagner avec notamment le top Twitter ce soir. Il y a Sébastien qui dit: vous êtes super, je me marre tout le temps. Il y a Mohamed qui dit le dédicace au futur bébé Toff. Tu vas l'appeler comment, Toff? Polo ou pas? Non. Non, d'accord. Non. Pas de jeune idée, garçon. Mustapha? Mustapha. Non, non, je pense non, pas. Non. Jean-Louis? Bon, Jean-Louis peut-être, c'est pas mal, Jean-Louis. Bah, si vous avez une idée de prénom pour le futur bébé de Toff, puisque bon, apparemment, d'après la voyante, c'est ce qui lui pend au nez, hein. Ah bah, oh là là, j'aurais pas vu ça au nez, mais. Et c'est pas la crotte, hein, on parle pas de ça, évidemment. Il y a Dédé qui dit: le monde du showbiz, c'est un monde de faux cul et de pistonnés. Ah oui, alors ça, je te le confirme qu'il y a quand même des gros enculés qui font par exemple de la radio. Ah, il y en a beaucoup. Oh là là là là là là, mais des trucs de dingue quand même, vraiment des sales cons. Enfin bon. Stéphanie aussi qui dit: je crois aux esprits mais les vampires faut pas abuser. Et Romain qui dit: mon prof de maths est un vampire. T'as une mauvaise note, c'est pour ça, ouais. C'est quoi cette connerie de vampire? C'est Magda et Cici qui dit: les vampires ça existe mais c'est une race de chauve-souris. C'est véridique. Il y a Lydie aussi qui dit: mort de rire Mickaël, tu m'as tué tout à l'heure. Et puis un message aussi qui dit: Aurélie, depuis l'application Mickaël No Limit que vous pouvez télécharger sur iTunes, je voudrais gagner la PS4, comment on fait? Ah bah, il va falloir te manier parce que je t'y ressors dans quelques secondes là. Donc facebook.com/mickaël officiel, faut répondre à la colle d'Anaïs. Donc on m'apprécie plus au goût que de me recevoir en pleine face. Qui suis-je? Bonne chance tout le monde. Et puis on va faire le tirage au sort donc dans quelques minutes en direct sur Fun Radio. Retour avec Brandon qui est avec nous maintenant là. Brandon du Morbihan. Salut Brandon. Salut. Comment vas-tu? Salut toute l'équipe. Bon, bienvenue à toi Brandon. T'as suivi un peu les JO ou pas là? Ouais, vite fait. Vite fait. Non, parce que en fait, je parle des, on en parlait en début d'émission de nos Jeux Olympiques de Sochi, ouais. Avec toutes les vidéos qui sont déjà disponibles sur le Facebook de l'émission, sauf une qui arrive demain. Et ben, ce week-end, il y avait la finale du hockey féminin sur glace. Et puis, comme à chaque match, il y a Obama et le Premier ministre canadien qui ont parié une caisse de bière sur le vainqueur, qui encore une fois était le Canada. Dommage pour Barack qui doit une caisse de bière au Premier ministre canadien. Canadien. Et il y avait un autre pari aussi pendant le même match, c'était celui qui allait garder Justin Bieber chez lui. Dans les tribunes et sur Facebook, les supporters ont mis des messages en disant que le perdant du match devait garder Justin Bieber. Voilà, pas de chance. Moi j'aime bien l'idée. Voilà, pas de chance pour les Américains qui ont perdu, c'est donc les Américains qui doivent garder Justin Bieber. Ah, les pauvres. Ouais, et en lisant ça également, j'ai appris qu'il y avait une guerre entre Justin Bieber et les One Direction. Donc venez nous dire, vous êtes plutôt Wendy ou Justin Bieber ? Pour voir s'il y a vraiment un battle ou alors est-ce qu'il y en a qui aiment bien les deux, etc. etc. Et nous, ouais. On a quand même un passé avec Bieber, quand même. Ouais, on les connaît pas, quoi. C'est vrai il qu'on avait tout mignon, donc moi je suis pour Bieber. Au tout début où il avait fait baby, oh. Il était chou. Ah oui. Il était gentil, mignon. C'est vrai. En tout cas, c'est pas comme aujourd'hui, c'est sûr. Bon, donc du coup, et toi, Brandon, t'es plutôt One Direction ou Justin Bieber ou aucun des deux? Aucun des deux. Sandro, Justin Bieber ou One Direction? Bah, Justin Bieber, parce que je les connais pas, les autres. One Direction? Non. Oui, bon, c'est parce que Justin Bieber, on les a déjà reçus. Enfin, on l'a déjà reçu. Ouais. Camille également, qui voulait réagir à autre chose, mais c'est pas grave. Camille, bonsoir. Bonsoir. Tu dois choisir Justin Bieber ou One Direction, tu prends qui? Ah merde, elle a coupé. Dommage. Oussama est avec nous, le leader. Peur. Bah oui, apparemment. Salut Oussama. Ouais, salut. Ça va bien? Tranquille. Bon, tu Justin Bieber ou One Direction? Franchement. Ouais. Ou aucun des deux? Aucun des deux, franchement. Aucun des deux. Je vais vous mettre la colle, pas du tout. Je vais vous mettre la question sur le Facebook dans quelques minutes, là. Comme ça, vous allez pouvoir y répondre et on lira vos messages en direct. En attendant, Brandon, donc, tu voulais réagir par rapport au don. C'est bien ça? Ouais. Bon, bah alors, vas-y, on t'écoute, sois le bienvenu. Dis-moi, Brandon, t'habites toujours à Beverly Hills? C'est drôle, ça. Non, moi, déjà, c'est plus Brandon, moi, déjà. C'est plus quoi? C'est Brandon. Ah, Brandon, ok. Brandon, ça change tout. Ça change tout. Motherfucker. Bon, alors vas-y, dis-moi, dis-nous. Du coup, j'ai appelé pour les dons. Moi, c'est. J'ai le don du feu, moi. Tu as le don du feu. Alors, ouais. C'est-à-dire? C'est en fait. Quand il y a quelqu'un qui se brûle. Et tu lui touches la main et hop, il n'a plus mal. Bah ouais, je pose ma main au-dessus et puis j'enlève la chaleur. C'est sérieux, ça? Bah ouais, j'ai déjà essayé sur les gens de ma famille, ça marche, ouais. Et ça marche. Donc alors ouais, répète, donc quelqu'un prend feu ou s'est brûlé, c'est ça? Ouais, il s'est brûlé plutôt parce que prend feu là, c'est chaud quand même. Ah bah ouais, non mais après je sais pas moi. Parce qu'il y a un, je crois que c'est à Grenoble, il y a un Christ qui est en train de cramer là, tu peux peut-être aller l'aider. Non, bah il se démerde. Ah bah super. Ah bah non, mais il va se démerder, j'en ai rien à foutre. Hein. Attends, il est tombé. Non mais c'est ça, j'ai ça. Bon, alors vas-y donc du coup tu t'es rendu compte de ça comment? Bah comme ça. D'accord, c'est une bonne réponse qui n'avance pas beaucoup. Non, hein. Mais je sais pas, c'est ma grand-mère qui m'avait dit tu peux essayer, je me suis brûlé, tu peux essayer de panser la blessure quoi. Ouais, et du coup ça a marché? Bah ouais, ça elle avait plus mal, elle avait pas de cloque ni rien quoi. Ouais, c'est marrant ça tient. C'est beau. Oui oui non, c'est magnifique. Pas de crasse, quoi. C'est plein d'espoir. Mais voilà. Oui. Et j'ai essayé sur autre chose ou pas? Les verrues, j'ai essayé sinon. Les verrues, ah oui, ça c'est bien. Et ça marche? Les verrues, mais ouais, c'est bof là. Non, on peut pas être bon partout. Hein. Bah non. Non, bah bien sûr, évidemment. Bon, bah très bien, mais merci Brandon. Attends, il y a Hugo aussi qui est avec nous là. Salut Hugo. Oui, bonjour. Comment ça va? Bien. Bon, alors moi je vois dans le standard que t'es à peu près voyant. Alors c'est-à-dire, est-ce que tu vois que d'un œil ou c'est quoi? Non, j'ai une déficience. Je vois, j'ai deux pour chaque œil. Non mais. En fait, attends, je sais. Tu vois l'avenir, mais tu le vois flou. Ouais, c'est ça. Non, je suis pas très très expérimentée. D'accord. Oui, j'arrive à voir ma famille a un petit don et un petit don. Oui. Ma grand-mère était barreuse au niveau du feu, ma tante a le même don que moi, et en fait, moi je peux voir ce qui se passe dans le passé. C'est moi. D'accord. Moi aussi je peux voir ce qui se passe dans le passé. Hein. Regarde, donne-moi un jour au hasard. Regarde, non, attends, moi regarde, par exemple, à 20h on a commencé l'émission. Ouais. putain. J'ai même un talent de voyant puisque je sais que demain à 23h on recommencera encore une fois l'émission. Putain, c'est ouf ça. Comment c'est quand même ça, la folie. Bah je sais pas, c'est le talent. Vas-y, mec. Donne-moi un jour au hasard. Non mais par exemple une date que je connais pas, que personnelle par exemple, je peux savoir. Et après, ma tante m'a dit avec plus d'expérience que je pourrais voir dans le futur. Bon, est-ce que tu peux voir dans le passé de Tof? Voilà, la dernière fois que j'ai fait l'amour. Il me faut des dates qui va défiler au pif et je vais voir. Il faut des dates qui va défiler quoi? C'est-à-dire quoi? Je te donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et tu me dis quel jour c'était du mois? Ouais, voilà. Ah d'accord, ok. Oui. Bah, ouais, mais ça, on est pas sorti là, on est pas là. Non, là on est pas aidé là. Ah mais c'est tout, tu peux pas voir un truc, tu vois rien sur son passé? Non. Y'a rien, y'a pas un secret qui arrive. Ah ouais, donc t'es à peu près voyant quoi. Ouais. Bah, il te l'a dit, à peu près. Ouais. Ouais, c'est ça. D'accord. Ouais, sinon je vois aussi des esprits. Comment? J'ai pas compris. Tu dis sinon faut quoi? Genre des flashs. Ah des flashs, il faut des flashs, d'accord, ok. Bon, essaye d'avoir un flash sur Tof et puis on te reprendra si t'as quelque chose, d'accord? D'accord. Bon, on fait comme ça, ça roule. À tout à l'heure, Brandon. Merci. À tout à l'heure, Hugo. Merci, Brandon, d'être passé. Mickaël, je peux faire une petite dédicace avant. Vas-y. Il y a une seule personne. Choisis la bonne. Hein. Bah, je fais une grosse dédicace à ma petite chérie, Laurine. D'accord. Je l'embrasse très fort. Et bah, le message est passé, sans problème. Voilà. Salut, à bientôt. Merci. Allez, ciao, à bientôt Brandon. Et puis nous, on va revenir sur Fun Radio dans quelques minutes avec le gagnant ou la gagnante pour la PlayStation 4 et le jeu Battlefield 4. Pour vous inscrire, bah allez-y, vous reste le temps d'écouter Shakira et Rihanna avec Can't Remember to Forget You. Pour vous inscrire, facebook.com/MIKL officiel. Je vous souhaite bonne chance. Tirage au sort dans 3 minutes 20, juste après Shakira. Bonne soirée tout le monde, c'est Mickaël No Limit jusqu'à minuit. Bienvenue. Forget you. Dans une autre dimension, Mickaël est président. Yes, we can. Tof est père de famille. Ah bah ouais. Pour le Polo coup, est un gangster. Et Sandro, un petit chaton. Mais dans votre dimension, Mickaël. Ils sont à la radio tous les dimanches de 20h à minuit sur Fun Radio. Exactement, ouais. Comme quoi, hein, le jingle a été prémonitoire. Ouais. Apparemment, c'est genre. Enfin, on n'y est pas encore. Hein. Ah, on n'y est pas encore, mais une voyante vient de dire que t'allais être daron dans l'année, hein, mec. Ouais. Non, conçu dans l'année. Ouais, bah conçu, même, pareil. Wendy qui dit. Donc, je voulais demander si vous étiez plutôt Justin Bieber ou One Direction. Wendy qui dit, moi, c'est plutôt One Direction. Il y a Adeline aussi. Salut, s'il te plaît, Mickaël. Passe le message à mon chéri Sylvain que je l'aime plus que tout. Oh, so sweet, Adeline. Magda également, je connais une personne qui a ce don du feu. Ma sœur s'était brûlée la cuisse avec une soupe bien chaude et cette dame avait arrêté le feu. Pas mal, je n'y crois pas trop, mais parce que je l'ai pas vu. Après, why not? Bibi qui dit aussi, je suis aucun des deux, tous les deux dans l'océan. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Forgive me qui dit One Direction, même si je respecte grandement Justin. Et Jojo78 qui dit, moi, aucun des deux à choisir, je choisirais quand même One Direction. Benji également. Wendy ou Bieber, Bieber pour son corps, alors uniquement pour ça. Et Sissi qui dit hommage aux Américains qui doivent garder cette tapette de Justin Bieber. Ouais, bon, après, c'est pas fait non plus encore cette affaire, hein, rassurez-vous. Bon, 22h30 sur Fun Radio, retour avec Oussama dans quelques minutes. Nassim, Céline qui voulait réagir aussi par rapport au don. Damien, Ellie, pareil. Et puis on va donner la réponse à la colle avec Anaïs qui est avec nous. Anaïs. Oui. Anaïs, on va donc appeler maintenant le gagnant ou la gagnante éventuelle, celui ou celle qui s'est inscrit ou inscrite par SMS ou via le Facebook. Et puis bah si la personne qu'on appelle maintenant décroche et donne la bonne réponse à ta colle, Anaïs, c'est elle ou il qu'il partira avec la PlayStation 4 et le jeu Battlefield 4. Dans tous les autres cas, tu gagnes. D'accord ? Allez, on y va, c'est parti, on appelle. Je te souhaite bonne chance, en tout cas, Anaïs. C'est parti. Pardon. Je suis emporté, je sais pas ce qui s'est passé. Moi, complètement, là, complètement. Allez. Allez. Allô ? Allô, bonjour, comment tu t'appelles ? Bonjour, Jérémy. Jérémy, c'est ça ? Oui. Très bien, Jérémy, bienvenue à toi, c'est Mickaël, t'es sur Fun Radio et je te pose... Enfin, Anaïs a une colle à te poser, vas-y Anaïs. Alors, on m'apprécie plus au goût que de me recevoir en pleine face, qui suis-je ? Ah, elle a été dure depuis le début, Anaïs, cette colle-là. Depuis le début, c'était compliqué. Légère bon. Faciale. Non, pas du tout. Ah, bon, ça, alors, est-ce que t'as une idée, Jérémy ? Ben moi, j'aurais dit une tarte. Une tarte, Anaïs ? Oui, c'est ça. Bravo Jérémy, PS4, Battlefield 4, tout ça c'est pour toi. Et puis Anaïs, malheureusement, tu repars les mains vides. Malheureusement, c'est la règle du jeu, ma chérie. Je te fais quand même des gros bisous, Anaïs. Oui. Bon, je t'embrasse. Salut Anaïs. Et puis salut Jérémy, à bientôt. Hein. Merci beaucoup. Ciao. Salut, allez, bye bye. Salut Anaïs. Gros bisous à toi aussi. Oui, au revoir. Ciao. On va récupérer Camille pour parler une dernière fois de The Voice. Et puis on va parler également de père des enfants, puisqu'on avait fait des appels cette semaine avec Toff à ce sujet. Oui, bah. Parce qu'on avait vu que des Anglais n'étaient pas sûrs d'être père de leurs enfants. Ouais, c'est ça. Il y a 3% des mères qui sont pas sûrs que le mec qui est à la maison soit bien le père de l'enfant qu'ils élèvent ensemble. Ouais. Et il y a 8% des mecs qui sont effectivement pas le père de l'enfant qu'ils croient être leur enfant. Oui, oui, voilà, c'est un petit peu compliqué, mais vous allez voir, vous allez mieux comprendre, puisqu'on va appeler des gens, des numéros qu'on a reçus hein, depuis le mail de Toff, toph@funradio.fr, grâce à vous. On y va, c'est parti. Premier appel, c'est maintenant. Oui, allô. Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, bonsoir, voilà, en fait je vous appelais parce que je voulais savoir si vous étiez sûr que votre mari était le père de vos enfants. Comment ? Non, je voulais savoir si vous étiez sûr que votre mari était le père de vos enfants. Non, mais c'est une blague ou est-ce très mauvais goût, là ? Non, non, madame, c'est une question. Bah, il n'y a pas de question à me poser, moi, j'en suis sûr, carrément à 100%, moi. Ah, oui. Merci, au revoir, bonne soirée. Et des conneries comme ça, je pourrais peut-être les éviter. Merci, si vous n'avez rien d'autre à foutre, allez à la Scénic. Allez où ? À la Scénic, là, Renaud ? Oui. Non, Renault Scénic, c'est ça qu'il je crois qu'elle a voulu dire Scénic, mais on a pas dû lui dire que ça existait plus. Hein. Ouais, je pense, ouais. Bon, on va la rappeler, justement, là, la dame, là. Allez, c'est parti, on y va. On Oui, allô ? Oui, je m'excuse, madame, mais je vous demande ça parce qu'il y a 8% des Anglais où le mari n'est pas vraiment le père. Non, mais ça, j'en ai rien à foutre, moi, des Anglais, moi, je suis française. Bah oui, mais c'est pour ça que je me permettais de vous poser la question, madame. Mais non, mais qu'est-ce que c'est ? C'est une blague, là, ou quoi, là ? Mais pas du tout. Eh, vous avez rien d'autre à foutre, là, que de faire des coups d'emmerder les gens à ce temps-là, là ? Mais pas du tout, madame. Non, mais vous avez pas l'impression que j'étais couchée, là ? Et j'étais même en train de rapport sexuel avec mon mari. Mais enfin, madame. Oui, bonsoir, monsieur. Pas vos conneries, là, parce que moi, j'appelle les flics, moi, ça va être simple. Mais non, mais c'était pour être sûr que vous étiez bien le père de vos enfants, monsieur. Non, mais vous êtes con, vous en faites exprès. Mais pas du tout, monsieur, moi je vous pose la question. Non, mais moi je sais bien que je suis père, et encore une fois, là, vous rappelez encore une fois, là, j'appelle les flics juste derrière, là. Bah oui, mais enfin, monsieur, faut pas le prendre comme ça, moi je vous appelais gentiment. Non, mais moi, pour qu'on me fasse chier à ce temps-là, donc là, je raccroche, j'appelle les flics, moi. Ah bah non, monsieur, ça se fait. Bah, moi je vous dis, j'en raccroche et j'appelle les flics, donc au revoir. Mais pourquoi vous l'appelez la police, monsieur ? Ah oui, ça se fait pas le méchant là. Alors, bah oui, alors que j'appelle ça, en toute gentillesse. Bah oui, bon, du coup, on l'avait rappelé, hein, évidemment. Normal. Bah oui. Vous avez fini de me faire chier là ? Mais non, monsieur, je veux pas vous faire chier. Je vous appelais juste pour vous poser une question. Faut pas. J'en ai rien à foutre, vous arrêtez de me faire chier, c'est clair là ? Mais oui, c'est clair, monsieur. Bon, mais... alors vous raccrochez, vous faites pas chier. Bah, je vous fais pas chier, monsieur, je vous appelais juste en toute sympathie, faut pas s'énerver. Ouais, bah c'est bon là, je viens de répondre, alors c'est bon, faites pas chier. Ah, il se raccroche en élu-main, mais ça c'était beau. Et ça c'était beau. Bon, on va parler tout à l'heure de la vente de corps humain. Ah oui. Un petit débat sympathique sur lequel on était tombé, un restaurant au Niger. Qui avait fermé. Du coup, il restait des morceaux de viande humaine et des cerveaux particulièrement. Bah oui, parce que c'était la spécialité, hein. C'était la tête grillée. Exactement. Donc on essaiera de revendre ça tout à l'heure. Ah, avec plaisir. Évidemment. Justin Believe qui dit je suis Bieber et je choisis Justin Bieber. Manon qui dit pour moi c'est One Direction sans hésiter, mais je n'irai contre Bieber. Il y a Hugo depuis l'application qui dit Justin Bieber, One Direction. Autrement dit, il faut choisir entre la peste et le choléra. Et Abdou qui dit j'en ai strictement rien à foutre des deux, mais si je dois choisir, ce serait Bieber pour sa musique. Thomas également depuis l'application Mickaël No Limit, depuis l'application iPhone, iPod et iPad. Peux-tu faire un message de bienvenue pour le mec de la Colo Serre Chevalier au fait cool ton appli ? Merci Thomas, c'est cool. Évidemment, petit message de bienvenue avec grand plaisir même. Qu'est-ce que je vais te mettre ? Oh, il est pas mal celui-là, tiens. Ferme ta gueule, les connards. Voilà, comme ça au moins les messages sont passés. D'autres appels tout à l'heure. On va également surmettre l'interview qu'on a eu l'occasion de faire la semaine dernière de Jared Leto. Et c'était Tre fucking Hoof. Grave. Pour ceux qui n'étaient pas là et vous avez peut-être entendu parler, même vu la vidéo qui est disponible sur le Facebook de l'émission quand il commande une pizza en français, eh ben on va vous le remettre tout à l'heure à la demande générale. Camille est avec nous de Bordeaux. Allô, Camille. Salut Mickaël, toute l'équipe. Comment ça va ? C'est un plaisir de vous avoir. Ça va, ça me fait plaisir aussi de t'avoir, Camille la Bordelaise. Alors, ouais. Toi tu voulais réagir par rapport à The Voice. On en avait parlé, ouais. C'était un petit peu le coup de gueule que j'avais eu au début de l'émission. Alors je regarde jamais hier, sauf samedi. J'ai regardé, il y avait rien pendant que je bouffais, puis je suis tombé dessus. Je me dis bon, je vais quand même regarder ce truc pour voir à quoi ça ressemble quand même. Et là, pas de bol, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, il y a déjà un bordel avec Jennifer qui vote pour sa copine, Ginny Lynn, qui a fait les premières parties. Ouais, sachant que c'était la première émission. Oui, c'est ça, c'était la première. Et donc, alors qu'elle a déjà fait les premières parties de Jennifer, que Ginny Lynn est déjà une chanteuse, quoi. Donc elle a rien à foutre dans une émission comme ça. à la base. Donc, mais, du coup, je voulais ton avis, Camille. Ouais, mais en fait, il y en a énormément de toutes les saisons depuis que ça a commencé qui avaient déjà des carrières avant. Il y a énormément de gens de spectacles musicaux. Par exemple, Nuno Rezende qui est arrivé finaliste l'année dernière. Et d'ailleurs, donc ouais, il avait 10 ans de carrière derrière lui déjà et il avait fait plein de spectacles et tout ça. Et ouais, et après, c'est un risque pour eux de se mettre devant et la peur que personne se retourne quand même. Enfin, je sais pas, faut... Non, parce qu'au final, ils sont personne et personne se retourne, il reste personne, tu vois. Ouais, voilà, c'est ouais, ça, ouais. Il change pas grand chose. Toff devra aller à The Voice. Bah écoute, j'avais essayé de faire Nouvelle Star. Et il a été refoulé. Ouais, parce que quand ils ont vu que je faisais de la radio, ils m'ont dit ah non, c'est pas possible. Ouais, c'est ça, alors que les autres ils sont déjà chanteurs, mais ça les dérange pas. Ouais, c'est ça. Ouais, Camille. Ouais, d'ailleurs, Nuno Rezende, il a un peu le même parcours que toi. Il est né au Portugal, il est venu en Belgique après et il a fait ses carrières en France. Ah, mais moi je suis né à Bruxelles, moi je suis pas né au Portugal. Ah, t'es pas né au Portugal? Non, je suis né au Portugal. Il est d'origine portugaise comme toi, donc. C'est très bien. Quelqu'un de très bien. C'est le mec, pas du tout clean dans ses propos, tu vois. C'est quelqu'un de très bien parce qu'il est né au Portugal, donc bravo à lui. C'est très très bien. Le mec objectif. C'est l'objectivité de l'émission. C'est normal. Le Portugal ne fait que des gens bien. Exactement. Et je te rappelle que c'est le Monaco d'Espagne. Ah bon? Ah bah bien sûr, évidemment. C'est un petit peu ça. C'est un peu le Monaco espagnol. Moi je crois que c'était la côte espagnole. Non, pas du tout. Vraiment pas. Au contraire, justement. Bon Camille, je te remercie d'être passé, tu reviens quand tu veux en tout cas, je te fais des gros bisous. Ouais, merci, avec plaisir et j'ai hâte de vous revoir et d'assister à l'émission bientôt, donc voilà. Eh ben écoute, tu viens quand tu veux, les portes sont ouvertes, on est là pendant les vacances aussi, donc non malaise. Hein. Gros bisous. Okay. Bisous à vous. Je t'embrasse, ciao. Il y a Christophe également qui a envoyé un message. Où est-ce qu'il est? Message, voilà. Christophe sur Twitter qui dit The Voice, c'est pour les amateurs, pas pour les gros pros. Bah oui, mais c'est ça, justement. Sarah qui dit je vous aime toute l'équipe. Vous êtes géniaux. Et Marion qui dit moi, j'ai raté le passage de Jared. Putain, je vous raconte même pas comment je suis deg. T'inquiète, Marion, on va te le remettre dans quelques minutes, là. Et surtout pour ceux qui ont pas pu entendre. Et puis, bah, pour ceux qui étaient là et qui veulent se remarrer encore un coup, n'hésitez pas. Philippe aussi, mort de rire, je suis en train de me taper une grosse barre. Vous êtes énorme. Merci, Philippe. Et à bientôt. Passe le message aussi à tes potes qu'on est là sur Fun Radio de 20h à minuit le dimanche et de 23h à 2h la semaine. Il y a Julia qui dit les One Direction sans hésiter, Kent aussi, moi aucun des deux, et Sophie qui dit Mickaël même pendant les vacances. Et là ça c'est cool, vous déchirez évidemment, n'allez pas vous abandonner, qu'est-ce que vous croyez. On sera juste, enfin en même temps ça change rien pour vous, mais on sera à Orcières, Merlette, c'est 1850 dans les Alpes du Sud, pas le week-end prochain mais le week-end d'après. C'est ça, hein, je sais pas. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc le week-end du 14. Non, c'est parce que là, il y a le week-end du 2, puis il y a le week-end du 7 et du 8. Ah oui, dans 3 semaines, dans 3 week-ends. Je sais plus quoi, les mines. Ouais, nous les mines d'abord et puis au Havre. Voilà, et après, on va. Donc le week-end du 14-15 mars, ou 13-14, enfin, je sais plus. Bah, et le week-end d'après tout ça, on va décéder. Ouais. Si donc, vous avez des chaises roulantes à nous prêter. Ouais, on va aller faire du ski un petit week-end. Donc si vous voulez venir nous rejoindre, si vous êtes par hasard, vous êtes dans la même station que nous, le 14 et 15 mars, à Orcières, donc Orcières, vers l'être 1850, ou même si vous êtes à côté. Ouais, Orcières, Val-Torrance, enfin voilà. Tous les trucs dans le... Bah vous passez quoi. Vous passez dire bonjour. En plus on a besoin de vous parce qu'on voudrait faire un défi sur place. Oui. Bon, il nous faut au moins 10 personnes. Voilà, donc ce serait cool. Voilà, si vous voulez venir, bah vous êtes les bienvenus. Si vous êtes tout près de Grenoble, c'est pas très loin, donc vous pouvez éventuellement faire un petit passage en speed. Et puis Toff paye le chocolat chaud et le choco chaud. Ouais. Bah évidemment. Voilà. Hein. Très puis bien. À bouffer, il paye 2-3 jours à bouffer, il en a un neuf fois. Blindé, évidemment. Mais on reste pas 3 jours, donc ça va être difficile. Mais 2 jours, ce sera bien. Non mais je laisserai ma carte comme ça. Ma carte avec mon numéro sur le tableau. Parfait. Céline, dans quelques minutes pour parler des dons. Bonsoir Céline. Bonsoir Céline. Salut Mickaël. Ah, elle est là. Comment vas-tu Céline? Ça pourra aller mieux. Ah bon, qu'est-ce qui t'arrive Céline? Moi, depuis quelques jours, je vois les morts. Ah, tu vois les morts, d'accord. Ouais. Bah écoute, on va en parler Céline. Hein. Ne bouge pas de là. Il y a également Ellie qui est avec nous de Bruxelles. Salut Ellie. Salut. Ça va? Ça va. Très bien. Ellie, tu nous appelles pour les dons? Oui, c'est ça, c'est un don. C'est un don d'imitation. Ah ouais. Ah c'est un don d'imitation, ça commence très mal. Bon Ellie, attends, reste avec nous. Attends, t'emballe pas Ellie. Oh là là, reste calme, entraîne-toi pour l'imitation. On va revenir dans quelques minutes avec toi, avec vous toutes et vous tous d'ailleurs en direct sur Fun Radio. Et puis avec le son de Klingon avec Jubel. Un petit peu de mal à le faire, mais j'y travaille. Hein. Il y aura aussi l'interview de Jared Leto dans quelques minutes sur Fun Radio. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle avec le hashtag MIKL sur Twitter. Mickaël, nos limites. De 20h à minuit sur Fun Radio. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nos deux qui rira aura une tape. Aïe! Tu te marres tellement avec Mickaël No Limit que tu pourras jamais gagner. Aïe! Mickaël No Limit. De 20h à

favorite star. Oh, you're very sweet. Thank you so much. Voilà. Gros bisous, Mélina. Merci, bisous. Je t'embrasse. Salut à toi, Mélina. Bon, et avant de terminer, on n'a toujours pas de nouvelles de la pizza. C'est dommage. C'est dommage. Pourtant, elle devrait être là. Ben ouais, on avait deux petits cadeaux pour Jared. On a reçu des casques qu'on va bientôt offrir. Et comme je sais qu'il est à fond sur le son et qu'il aime bien les détails, il va pouvoir commander son nouveau casque avec son smartphone. Qu'est-ce qu'il a comme smartphone? Parfait, il a un iPhone. Donc, il va pouvoir commander son nouveau casque. Ça, c'est un premier cadeau. Hey. Voilà, je sais pas s'il le connaît, mais au moins il l'aura maintenant. Donc c'est le Zig by Parrot, il va pouvoir le commander et tout, ça va être génial. Commander directement avec l'application sur l'iPhone ou sur Android, en l'occurrence là c'est sur iPhone. Il va pouvoir étendre le son, ça va pouvoir le noise reduction également, comme tu passes ton temps à voyager. Bref, la folie totale, c'est un casque qui déchire tout et c'est très très fucking ouf. Voilà, ouais. Très très fucking ouf. It's so a fancy French brand and another gift, the t-shirt Made in France. Oh. Voilà, Made in France comme un air de rock. It's for the band. Too. It's for the band. For Tomo and yes. Our channel. There are three teams for you. Thank you so much, brother. Appreciate you're welcome. It. So sweet. Bon ben, merci beaucoup. Et je peux demander, Jared, the next time. Fuck you, man. Where is, fuck you. For the next concert, can I come in, on the stage with you to celebrate your the friend your my friend? No. No. Strike three, buddy. Three. Voilà, bien vu, c'est bon ça, parfait, impeccable. Parfait. Bon, ben merci beaucoup Jared. Thanks, thank you very much and so glad I came. This was a blast. You know, it's been so such an honor to be a part of your what you've been doing all these years and it's really wonderful. Thanks for having us back. Thank you Jared. Thanks, guys. Bye bye. Voilà l'interview de Jared Leto, donc pour ceux qui l'avaient loupé, il y a la vidéo quand il commande la pizza qui est disponible là sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel pour aller voir tout ça bien entendu. Une vidéo très très fucking ouf. Mais oui, bah très très fucking ouf. Manon qui dit énorme l'interview de Jared Leto, j'avais pas pu l'écouter l'autre soir, c'est très très fucking ouf. Robin aussi, quand tout va mal, Mickaël nous remonte le moral, nous fait marrer, t'es un animateur très très fucking ouf. Merci Robin. Et Fred qui dit trop kiffant l'interview, et Benji qui dit Polo qui se fait jeter à chaque fois, pété de rire. Et Quentin qui dit vous faites trop rire. Bah merci en tout cas à vous. Et puis je vous rappelle également qu'on va faire dans quelques minutes donc le match d'impro. Donc si vous voulez jouer avec nous au match d'impro, on cherche un garçon et une fille. Vous m'appelez maintenant 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Oh, Mickaël, nos limites. De 20h à minuit sur Fun Radio. Et on avait demandé tout à l'heure le son de Pharrell Williams. C'est parti, c'est Happy sur Fun. It might seem crazy what I'm about to say. Bien comprendre, Mickaël nos limites, c'est... Excusez-moi, on a été coupé, madame. C'est moi qui ai coupé, allez au diable. Et c'est aussi... Bah moi je vous emmerde et tu nous fais pas chier, sinon t'as la bardée. Mickaël nos limites. De 20h à minuit sur Fun Radio. Oui, 20h minuit tous les dimanches, évidemment. Sinon toute la semaine, c'est 23h, 2h, vous connaissez l'horaire maintenant. Margot qui je monte à Paris en avril, est-ce que je pourrais passer vous apporter des nougats de Montélimar? Bah oui, évidemment, bah, ouais, nous, mais pas que ça. Hein. On va pas cracher dessus, hein. Je suis pas trop fan de nougat, mais toi, oui. Ah, moi j'adore ça. Voilà, donc... Mais du blanc, hein. Pas du marron sucré. Hein. C'est pas la livraison à domicile, quoi. Eh bah si, ah bah non. Si on peut avoir chocolat amande, alors c'est là. Ça. Et là qui dit j'adore ce son des bars, je vous écoute, c'est super. Il y a Dilek It's My Name qui dit mort de rire, le mec appelle la pizzeria et il commence par excusez-moi la politesse de Jared. Bah non, quand t'as quelqu'un au téléphone, tu dis excusez-moi, je vous appelle pour. C'est normal. Romain qui dit continue comme ça mes champions, je vous adore. Dédé qui dit la commande de Jared Leto à une pizzeria. Trey fucking off comme moment de radio. Bah en tout cas on s'est bien marré nous, on a bien kiffé. Kent aussi, mort de rire la commande de pizza. Le prince Nadia qui dit trop bon cette interview. Jared s'exprime dans un français exemplaire. Oh bah il parle certainement mieux que Toff. Hein. Français? Je pense que oui. Et Happy Pharrell Williams, non, n'est pas un vampire. Oui, d'ailleurs je vous ai mis la photo justement de Pharrell Williams où tout le monde dit que c'est un vampire parce qu'il ne vieillit pas. facebook.com/MIKL officiel, allez voir. Et Lucie, j'ai comme une petite envie de venir vous voir. J'attends l'invite. Bah Lucie, t'es sérieuse, évidemment, tu viens là. Quand tu veux Lucie, aucun problème. Et on mettra Toff loin de toi au cas où si jamais t'as un petit peu peur, il n'y a pas de problème. Non, les bombes de meufs se mettent toujours à côté de moi. Ouais, toujours, c'est ça, ouais. Voilà. Bon, on va se faire donc dans quelques minutes le... À chaque fois j'oublie ce nom, c'est quand même exceptionnel. Hein. Le match d'impro, putain comment ça fait que j'arrive toujours à l'oublier. Le match d'impro qu'on va faire dans quelques minutes, appelez-nous si vous voulez participer, 01 42 48 5000. Et pour la Belgique, le 02 851 4x0. Je n'ai pas oublié. On mettra le son de Benny Benassi dans quelques minutes, on l'avait demandé là avec Satisfaction. Non oh là là. Oh j'étais fan du clip. Voilà. Oh là là. On le mettra donc dans quelques minutes. Restez là en attendant. Il y a Salomé avec nous de Rouen. Salut Salomé. Salut Mickaël. Salut Salomé, comment ça va? Ça va? Ah bah tranquille, et toi? Bah ça va, tranquille. Bon pépère, alors qu'est-ce qui t'amène Salomé? Tu nous appelles pourquoi? Bah écoute, nous on est sur le toit de l'école et tout, il est 11h15 et tout. Oh, le toit de l'école? Mais qu'est-ce que tu fous sur le toit de l'école? Ouais, c'est demain l'école, c'est pas aujourd'hui. Ouais, t'es en congé ou pas là? Parce qu'il y en a qui sont en congé déjà. En plus. Ah non, je suis déjà en vacances moi. Ah t'es en vacances, et qu'est-ce que tu fous sur le toit de l'école? En vacances. Ça me fait kiffer. D'accord. Mais vous êtes genre CO ou pas? Non, c'est pas facile, c'est facile à monter et tout, c'est... D'accord, parce que à la limite, je peux concevoir qu'on aille sur le toit quand, tu sais, printemps, fin de l'année, quand il fait beau, bon, etc. Mais là, en plein hiver... Ouais, c'est so romantic. Oh, c'est so romantic. Mais t'es avec qui? Ah, je suis avec Léa, avec mon amoureuse. Ah, bah, vu comme ça, alors, attends, évidemment. Attends, vous avez quel âge? 14. Ah non, mais j'allais dire une connerie, je pouvais rien dire. Voilà. Bon, donc ça va, vous kiffez, vous allez rester là jusqu'à quelle heure? Je sais pas, jusqu'à minuit, je pense. Jusqu'à minuit? Ok, d'accord, ouais. Ok, très bien. Et quoi, vous écoutez l'émission sur le toit ou vous êtes fait comment là? Posé. Eh ben tranquille, pépère, hein. À la cool. Voilà, il y en a qui ont la belle vie. Bon, ben c'est cool. Bon, ben restez là, des fois que vous chutiez en même temps, on sait jamais. On va être le premier sur le coup, hein. Oui. Et un petit peu la teuf aussi, parce que ça fait plaisir. Avec plaisir. Si, voilà. Ça va vous faire plaisir, les filles. Il l'a prise en pleine gueule. Tiens, les filles, apparemment, la voyante a dit que Toff allait malheureusement se reproduire cette année. Est-ce que vous avez une idée de prénom pour le bébé de Toff? Attention, réflexion. Raphaël. Raphaël, c'est d'accord. Moche, et pour Léa? Je sais pas, c'est une fille ou un garçon? Bah, on sait pas encore, il est pas encore fait. Moi, il y a un truc qui attends, passe... et donc pour toi, comment alors? Prudence. Prudence. Bah, il en a manqué, hein, si jamais il est père, hein, ça c'est sûr. Polo? Moi, c'est un truc qui passe partout, c'est féminin masculin. Sac de merde. Sac à merde. Ouais. En plus, c'est facile à porter, c'est ouais, ça qui est bien. Non, sac c'est vrai. De merde, Toff. Voilà. On est bien ou pas? Non, on franchement, ça peut être pas il mal. Sera heureux. Et puis, ce sera validé directement par la préfecture. Ah, oh bah, l'administration va l'administration adorer. L'administration va kiffer, sac ah bah de merde, ouais, sac attends. À merde. Ah, complètement, oui. Ah, bah, complètement, évidemment. Ouais. Bon, bah, très bien. Bon, bah, gros bisous, les filles. Prudente, hein. Gros bisous. Je vous embrasse. Salut, les filles. À bientôt. Ciao, les filles. Bye. Retour avec Céline. Donc, Céline qui voulait parler donc des dons. Hein. On en parle depuis le début de l'émission, entre autres. T'es là, Céline? Salut Mickaël. Salut Céline. Alors, les dons, tu nous avais dit quoi, toi? J'ai oublié depuis le temps, excuse-moi. Moi je vois les morts. Et oui, c'est vrai. Ouais. Exactement, mais alors tu vois les morts, c'est-à-dire? C'est-à-dire, ils apparaissent, ils disparaissent, et on peut, comment dire, on peut pas les voir. Attends, reprends le téléphone parce qu'on n'entend plus rien là, moi qu'il y a un mort qui soit passé entre les deux. Ouais, on peut jamais. Voilà, t'as le kit main libre ou le haut-parleur? Ouais, c'est bon. Ah, voilà. Bon, c'est et bon. Comment ça tu vois les morts, alors c'est-à-dire? C'est-à-dire, depuis quelques jours, il y a trois personnes qui sont dans l'appartement, donc ils sont là. Ah, tu fais coloc? Je fais coloc, ouais. Avec les morts? Pas forcément, non, là, je suis obligé, j'ai pas le choix. Évidemment. Mais bon, ils sont là constamment, ils s'assoient constamment sur le canapé, ils te délitent. C'est bon, mon culé, est-ce qu'ils sont rentrés avec leurs chaussures, ces chiens, là? Putain, ils devraient quand même avoir un peu de respect, déjà qu'ils viennent alors qu'on leur a rien demandé, en plus ils salopent tout là. Non mais sans... aujourd'hui t'es quand même, c'est quand même scandaleux, tu ne peux plus inviter personne, même des morts ça liste tout, c'est dingue. Ah non mais pas faire une invitation. Bah oui mais voilà, bon c'est qui ces morts que tu vois là? Mais je les connais pas. Non mais d'accord, mais enfin tu leur parles. Il n'y a pas eu de présentation. Je leur parle, j'essaie de leur parler mais ils sont pas en fait français. Ils parlent entre eux une autre langue. Une langue morte. Ouais. Voilà, donc il parle latin. Le latin, je le connais. C'est pas une genre langue. De langue comme ça. Non, c'est pas ça. C'est des vieux vikings, c'est pour ça qu'ils ont la barbe. Et non. Ils étaient venus pour la fin du monde, mais comme elle a pas eu lieu. Mais pourquoi tu leur demandes pas en anglais? Ils doivent parler anglais. J'ai essayé de laisser des mots sur la table ou quoi que ce soit pour savoir s'ils savaient lire ou quoi que ce soit. Pas de réponse. Ah, ils sont peut-être illettrés en même temps. Ils savent peut-être pas lire, hein, ça dépend depuis quand ils sont là. Je sais pas, mais attendez, c'est bon, moi je suis assez stressé là. Bah oui. Mais c'est la première fois que tu vois des morts dans ton salon? Ouais. Ah, c'est la première fois. Et ça va, tu le vis plutôt bien apparemment. Non. Non, tu le vis mal? Ah, ouais. Mais ils sont combien? Trois. Trois. Et c'est quoi, des femmes, des hommes, des enfants? C'est deux jeunes enfants et puis une jeune fille. Mais tu leur as demandé pourquoi ils étaient là? Mais j'essaye. Mais elle sait pas, elle parle pas la langue. Ben ouais, mais j'arrive pas à voir. Mais c'est quoi la langue? C'est pas de l'allemand? Je sais pas. Ils n'arrivent pas à répondre. Ah, pourtant de l'allemand, c'est quand même reconnaissable. Pas difficile. Hein. Bah, sinon, passe-les-nous, on va essayer. Ah oui, tu peux pas nous le passer. Peut-être là y a des auditeurs qui vont les entendre, ils vont comprendre. Ouais. Mais non, ils vont pas le faire. Bah passe-moi un mot, on sait jamais. Mais non, ce sont des fantômes, je veux dire, dans le sens où voilà, ça se déplace comme ça de but en but. De but en but. De but en but, d'accord, ok. C'est un peu comme Toff. Ce sont des morts. Ouais. Ils se déplacent de pute en pute. Donc est-ce que si tu viens dans le studio, tu verras éventuellement les morts dans le studio, s'il y en a? Bah y'a Toff. Arrêtez de me faire peur, c'est bon là. Bah dis donc, arrêtez de me faire peur, l'hôtel vit avec trois morts dans son salon et ça lui pose un problème. Non, mais si ça se trouve, en plus ici c'est un vieux bâtiment, tu sais, il doit y avoir des trucs bizarres. Ouais, peut-être, ouais. Oui, mais enfin ça on a compris, mais enfin bon, c'est pas normal qu'il y ait des morts dans ton salon, faut appeler un exorciste. Ouais, mais jusqu'à présent, il n'y avait rien du tout. Ou un marabout. Un marabout? On n'a plus le numéro de notre marabout, l'escroc, là. Si, bien sûr. Attends, on a le numéro du marabout, l'escroc. Attends, on va essayer de te trouver une solution, Céline, on va pas te laisser comme ça. Bon, okay, reste avec nous, Céline, on va essayer d'appeler le marabout dans quelques minutes. Damien est avec nous également, d'autres Garonne de Villeneuve-Tolosane. Salut Damien. Ouais, salut Mickaël. Ça va bien? Salut. Salut Toff. Bon, bah Toff te salue également. Alors, et Polo il pue, hein. Et Polo il pue ta gueule, alors que c'est son anniversaire en plus aujourd'hui, là, 25 ans et demi, là, putain. De quoi? C'est un contre-fan, Toff, depuis la fête du Jap. La fête du Jap? Ah oui, du juste d'application des peines. Quand ouais, on avait fait l'appel. Ça a marqué cet appel, hein. Faudra le remettre une fois de temps. Bah, on le remettra à l'occasion, ou faudra qu'on le rappelle aussi à l'occasion. Ouais. Je crois qu'on peut pas. Ah, on a plus le numéro? Je pense. Mais là, bah voilà. Mais je vais vérifier cette information. Bon, parfait. Il faut faire attention que ce soit la fille qui parle. De quoi, Damien? Il faut faire attention que ce soit la dame qui parle, parce que là. Quelle dame? La dame que quand vous avez appelé le Jap. Ah oui, sa fille en l'occurrence, effectivement, le juge d'application des peines. Le Jap. Qu'est-ce qui t'amène, dis-moi Damien? Mais en fait, je comment dire? Comment dire? Selon la pensée, je peux mettre des flammes en distance. Tu peux mettre des flammes à distance? Des fleurs? Ou alors je peux envoyer des esprits à des endroits. Non, bah essaye plutôt les flammes, c'est sympa. Sur le bureau de Toff, tu peux pas le faire là? Oui, vas-y, mets le feu à mes papiers. Il faut que l'endroit soit connu, que je le connaisse dans ma mémoire pour que ça marche. Ah, il est connu. Pourtant, c'est un endroit connu ici. Ouais, si on t'envoie une photo, c'est pas bien, c'est pas bon? Mais je peux pas, il faut que je pénètre dans l'endroit. Ah, il faut que tu payes. Ouais, donc comme ça, t'as avec ton briquet, tu l'allumes en fait. Avec ton membre. Non, sauf que c'est à propos d'énergie en fait. Ah non, on parle pas de ça. Bon. Mais. Parce qu'en fait, si je veux faire ce don, il faut que j'ai accumulé assez d'énergie pour que je fasse. Et après, ça crame. Et après, soit je peux maudire la maison. Tu peux la quoi? Tu peux la maudire la maison. D'accord, ouais. Ou soit je peux envoyer des esprits. Oui, je vais maudire cette maison. Et ouais, donc tu peux envoyer des esprits dans la pièce, dans la pièce. Ouais, dans la pièce. Et des esprits méchants, évidemment. Ouais. Mais est-ce que t'as déjà essayé tout ça? J'ai essayé une fois, ouais. Et alors? Et alors, bah, la personne, elle a déménagé direct. Ah, c'est bien quand tu vas avoir une maison, tu vois, et que... Ouais, c'est bien la peine d'emménager, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Mais tu t'entraînes où, au PMU du coin? Non, c'est pas la pensée. Ah, d'accord. Ah, c'est pas la pensée. Mais juste, quand tu as fait ça, comment est-ce que tu as su que le résultat était là? Parce qu'en fait, c'est quand je suis très en colère, quoi, ça se passe comme ça. Ah, un peu comme Hulk. Ouais, il devient vert. Tu deviens vert, tu déchires ta chemise. La chemise, etc., le pantalon, tout le bordel. T'as déjà vu Hulk? Je l'ai vu, mais c'est pas le rapport. Ah, c'est pas le rapport. Bon, non, parce que Hulk, quand il s'énerve, il se transforme en monstre. Ouais, voilà, il se transforme en homme vert ou surhumain. Non, mais moi, je veux savoir comment est-ce que tu sais que la maison, elle est envoûtée. Et parce qu'il dit, c'est chouette, qu'elle est maudite. Voilà, il dit abracadabra, je te maudis. D'accord, alors, comme c'est ça fait. Et c'est fait. Non. Mais on vérifie comment? Tu fais comment? Je pense à l'endroit dans ma tête, et puis l'endroit, hop. Ah ouais, et puis hop, quoi. Et bien après, l'endroit est hanté, ou alors... Comme ça, donc tu fais abracadabra que l'endroit soit hanté. Non, mais ça dure du temps, par contre. De quoi? Ça dure du temps. Ah, ça dure du temps? Ouais, il faut de la concentration. Ah, il faut de la... Donc alors, il faut qu'on se concentre, qu'on ferme les yeux, là, maintenant. Parce que les gens qui ont des dents, normalement, les êtres humains utilisent 10% du cerveau. Ouais. Et toi, t'en utilises 1%? Non, non. Ah, lui 20. Et ceux qui ont les dents, on utilise plus. D'accord. Alors, ce qui se passe, il y a plusieurs dons. Il y a la voyance, le médium. Oui, on a déjà énuméré tout à l'heure, hein, on va pas le refaire qu'à soi. Ouais. Et non, donc, si, je veux voir s'il va dire la même chose. Ouais. Voilà, vas-y. Y a quoi, voyance, médium et... Il y a plein de choses, t'as la télépathie, t'as un petit peu de technique. D'ailleurs, d'accord, alors écoute, je vais faire de la télépathie. À quoi je pense ? Non, mais il faut que je vois la personne. Ah bah oui. Ah bah, enfin, il faut que tu veux toujours tout voir, on peut rien faire à distance. Ouais, enfin, la télé... Ah, quel est l'intérêt de la télépathie si tu vois la personne? Bah oui. Bon, combien mesures-tu? Bon, attends, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler le marabout dans un instant, là, pour essayer de sauver Céline avec les morts chez elle. Ellie également, qui a un don, apparemment, ouais, je suis bien curieux de savoir ça. Et puis Jérémy par rapport aux vampires, là, restez là, la dernière demi-heure va être pas mal, je pense. Hein, donc, si vous avez prévu de couper la radio pour aller dormir, je vous conseille de rester là. On va également se faire le match d'impro sur Fun Radio. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. Envoyez M-I-K-S, suivi de votre message au 6499. Par SMS. Mickaël, No Limit. De 20h à minuit sur Fun Radio. Eh bon, on va être pas mal là avec Benny Benassi maintenant sur Fun Radio. Il y aura Party Fun aussi à partir de minuit, comme d'habitude, avec Adrien. Hein, si jamais vous n'êtes pas encore au courant, sachez que ça arrive dans 30 minutes juste après l'émission. C'est Mickaël No Limit, on est en direct dans toute la France. 01 42 48 5000 pour nous appeler, n'hésitez pas. Et puis on l'avait demandé tout à l'heure, Benny Benassi, Satisfaction maintenant sur Fun Radio. Bonne nuit. Push me. And then just touch me. Voilà, l'auditeur l'avait demandé tout à l'heure, la Benny Benassi avec Satisfaction. Eh ben voilà, la cool, le son d'Enflor de Fun Radio avec Code Pete qui arrive dans quelques minutes. 20h minuit. Fuck Mickaël No Limit. I don't fucking care. Sur Fun Radio. Fun Radio. Tous les dimanches soirs, en effet, 20h minuit, toute la semaine de 23h à 2h, il y a Thomas qui dit Céline et Damien, ils ont fumé quoi? C'est la soirée des gens chelous ce soir. Et Arnaud qui dit c'est quoi ces gens, le mec avec les esprits et tout, je suis mort de rire. Bon, on va appeler le marabout dans quelques minutes. Mais avant cela, faisons le dernier appel de Toff, hein, dernier appel donc avec j'ai oublié, c'était quoi? Oui, la vente de corps humain. Bah oui, c'était donc ce fameux restaurant sénégalais qui avait comme qui avait comme spécialité, putain c'est dur, la tête grillée. Exactement, hein, donc, la tête d'humain. Mais alors, bien sûr, la tête d'humain grillée. Et donc forcément après il y avait d'autres parties du corps qui vendaient à la découpe. Hein, comme ils ont dû fermer, bon on a essayé de refourguer ce qui restait le stock quoi. Les derniers corps, voilà. Voilà, donc on avait appelé, c'est parti. Allô. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que voilà, je voulais savoir si ça vous intéressait des corps humains. Comment ? Non, je voulais savoir si ça vous intéressait des corps humains. Pas compris. Ben, en fait, voilà, je travaillais pour un resto qui vendait des corps humains et donc du coup, je voulais savoir si vous ça vous intéresserait parce que l'autre restaurant a fermé parce que l'hygiène est passée. Ben, vous parlez avec d'autres gens, monsieur. Ok. Merci, au revoir. Bonne soirée. Ciao. Ouais, bah ciao, on n'a pas la solution nous, hein. Donc du coup on avait rappelé, alors c'est parti, 23h33 sur Fun Radio. Oui, non mais monsieur, parce qu'ils sont frais, hein, c'est des corps tout frais. Hein. La ferme ta gueule, ok. Mais pourquoi vous dites ça monsieur? Oui, va avec quelqu'un d'autre, ok, fout pas la gueule les gens, ok. Mais non, je me fous pas de votre gueule monsieur. Oui. Vous vendez bien du chien, vous pouvez bien prendre du corps humain. Des chiens, qui vendent des chiens? Bah ta mère, ou ta mère, parce qu'elle est enculée. Mais enfin, okay. Mais monsieur, ça se dit pas. Oui, t'es un enculé, c'est tout, ok. Tu fermes ta gueule, ok. Ah non, monsieur, je peux pas vous laisser dire ça. Oui, t'es quoi là? Moi, je vous appelle quoi? Attendez, moi, je vous appelle gentiment pour vous vendre de l'humain frais. Et vous, vous m'insultez. Attends, fais ça à quelqu'un d'autre, ok. Merci, allez, ciao. T'es un imbécile, ok. Mais non, ah non, monsieur. Oui, t'es qui? Moi, je m'appelle Toff, monsieur. Toff, qui va te faire foutre, ok. Mais non, monsieur, pourquoi vous voulez que j'aille me faire foutre? Et Toff, c'est un pop, c'est tout, ok. C'est des phoques, c'est un chien, c'est tout. D'accord, mais vous voulez vraiment pas de l'humain, si vous voulez, je peux... Oui, va voir ça, je vais te casser en bas, les gens. Tu t'ennuies dans la vie, non? Mais non, je m'ennuie pas, monsieur, c'est tu juste... Tu t'ennuies, parce que tu fais des choses pareilles. Tu t'ennuies pas, tu fais pas des choses pareilles. Mais non, monsieur... Arrête au cinéma, oui. Mais c'est pas du cinéma, c'est pas du cinéma, monsieur. Mais pourquoi tu fais ça? On va voir les autres, pourquoi tu as... Mais parce que... C'est les couilles des gens. Avant, je travaillais avec un autre restaurant, mais l'hygiène est passée, du coup, il a fermé. Oui, mais l'hygiène n'est rien pété, moi. C'est pas l'hygiène, t'es bien contrôlé, t'es l'hygiène de quoi? Mais voilà. C'est enculé. Mais c'est pour ça, comme vous en avez rien à foutre de l'hygiène, je me disais peut-être qu'un ou deux corps humains, ça passerait facile. Oui, arrête de gueuler la peau, toi, arrête. Vous le mettez dans les nems, ça passera tout seul. Comment? Je dis, vous mettez dans les nems, ça passera tout seul. Moi, je vends pas des nems déjà, vous croyez que je suis non, moi, quoi, je suis pas un chinois, moi, je suis un africain, ok? Ah bah parfait, parce qu'avant c'était un restaurant nigérien, donc du coup... Comment? Non, je dis, comme avant, je vendais ça dans un restaurant nigérien, chez vous ça passera nickel. Oui, moi je suis pas nigérien, moi je suis de la région, je suis français comme toi, ok? D'accord. Moi je suis français, Mais vous avez un restaurant africain? Non, français, français, ok? Ah bon? Je vends pas de nems, ok? D'accord. Vous aviez l'accent quand même pour les nems. Oui, c'est bon, ok? Bah oui, moi c'est bon, donc vous m'en prenez combien? Ouais, 2000 kilos. Ah, ça j'ai pas par contre, hein. je peux vous... Un million de kilos, un million, ok. Allez, merci, au revoir monsieur, j'ai pas de temps en pleine, monsieur, excuse-moi, ok. Ben non, mais monsieur, on va pas partir fâché. Hein, vous pourriez m'en prendre au moins. Non, on va partir fâché, là c'est dommage, ouais, mais c'est triste. Ah ouais. Il y a Roms qui dit... pas rendre service. Mais oui, c'est ça, on fera d'autres appels dès demain soir à partir de 23h. Roms qui dit heureusement que vous étiez là, car entre le match de merde, ah oui, c'était Lille-Lyon, là, 0-0 d'ailleurs, et la télé, à la télé, le film de merde sur TF1, merci l'équipe. Ah bah merci d'écouter Roms, c'est un Marion aussi qui dit en fait, j'ai pas vu la soirée passer grâce à Mickaël, c'est cool pour un dimanche soir. Bah non plus, et Sébastien qui dit coucou, le bâtiment de Fun et RTL où vous êtes en ce moment, c'est une ancienne maison close appelée le Panier Fleuri. Alors si les murs devaient parler, oh putain on est bon. Ah ouais. Ah, c'est pour bon, ça que je me suis bon, toujours bon, senti bien ici. Ah ouais ouais. Maintenant, ouais. Maintenant je grave. Sais pourquoi. Ah putain, c'est bon cette maison close. Ça a baisé. Ah ouais, ça a plus que baisé. Hein. Ah ça. Waouh. On le sent mieux sent maintenant. Ouais, je trouve qu'on devrait revenir aux origines de ce bâtiment. Ouais c'est vrai. Bon Céline. Céline. Oui. Ah voilà. Céline qui nous avait appelé parce qu'il y a des morts chez elle, donc on a dit qu'on a essayé d'appeler un marabout pour essayer de te sauver. Hein. Ouais. Bon, on va appeler maintenant. Tu lui expliques tout ça au monsieur là. Ouais, dans le sens où depuis quelques jours. Non, attends, il est pas encore là, Céline Ducal. On l'appelle. Ah, mais je pense que le mort. Il s'est passé des trucs bizarres. Regardez. Allô. Allô. Allô. Allô, oui. Oui. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, je vous appelle parce que j'ai un certain souci. J'ai des esprits qui sont à la maison, j'en ai trois. Qui ? Là, on est au top. J'en ai trois. Qui ? Bah, il y a Roger. Mm-hmm. Oui. Deux garçons et une jeune fille. Mm-hmm. Oui. Donc, c'est pas évident. Mm-hmm. Comment tu t'appelles ? Céline. Céline. Céline. À Télé, ok. Ah, vous êtes habité où? À Fontaine. Vous êtes habité où? À Fontaine, ok. À Fontaine? À Fontaine. Alors, quelle escroquerie va lui faire? C'est quelle résidence à Paris, si? C'est vrai, vous? J'ai pas compris. C'est à Fontaine sous bois ou bien où? À Fontaine, à côté de Géant. Ah, ok, à côté de Géant. Ok, d'accord. Ouais. C'est lui? De toute façon, il s'en fout, lui, il veut le numéro de carte bleue, donc il fera le reste en banc, là. Là, il est poli, il demande l'adresse. J'ai mal à vous entendre. J'ai dit, qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse pour vous? Rien, son téléphone dans sa bouche. Moi, depuis quelques temps, j'ai trois esprits qui sont à la maison. Mm-hmm. Depuis quelques temps, tu es trois? Trois. Il y a deux garçons et une fille. Mm-hmm. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ben, ils me suivent constamment du regard, ils me suivent dans tout ce que je fais, quand je suis seul. Là, le mec, il doit se frotter les mains, il doit se dire, ok, c'est une ouf. Vous êtes habité à la même appartement, alors? Ouais. C'est à votre collègue ou bien c'était quoi? Comment? C'est à votre collègue? C'est tes amis ou bien c'était quoi? J'entends très mal. Ça vaut tous amis ou bien? Je suis le mort. Qu'est-ce qui est ça? Je suis le mort. Qu'est-ce qui est ça? Allô? Allô? Qu'est-ce qui est ça? Je suis le mort. Qu'est-ce qui est ça? Allô? Oh merde, on a perdu le marabout. Ah, on a perdu le marabout, c'est pareil, c'est envolé. Ah putain, on a perdu le marabout, dis donc. Merde. Oh, dommage. C'est l'esprit, ça l'a fait fuir. Ah ouais, je pense, ouais. Sinon, on a reçu un mail aussi d'Axel qui dit « Salut, j'ai le même problème que la fille qui a appelé pour car elle voit des morts, faut pas qu'elle stresse et qu'elle ait peur. Si il parle pas français, elle doit pas avoir peur. Hein. Tant qu'ils lui font pas de mal, elle a rien à craindre. J'en vois depuis que je suis toute petite et jusqu'au début d'année, ça allait bien. » Ah bah nous voilà rassurés Axel, jusqu'au début d'année, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé après? J'écris depuis l'au-delà, ça marche aussi les arrobas, donc c'est plutôt cool. Bon, Céline. Oui, je suis là, mais à ce moment-là, vous êtes là. Ah, salut le mort, hein. Ouh là là, à mon avis, je pense qu'il y a beaucoup de morts en même temps dans le corps, là. Bon, attends, il y a Ellie également qui est avec nous de Bruxelles, salut Ellie. Salut. Ça va? Ouais, après 1h13 d'attente quand même, ça ouais, va. Ouais, ah bah tu vas attendre un petit peu, tiens, Ellie. Attends, il y a Oussama qui est avec nous également de Lille. Salut Oussama. Salut Mickaël. Ça va? Bon, Oussama, toi aussi, t'as un don. Non, parce que comme apparemment, Eli, il avait un peu de temps. Oussama. Alors, ouais. Toi, t'appelles aussi parce que t'as un don. Une imitation plutôt. Ah, toi aussi, t'es imitateur. Ah, bah, parfait, oh, on est bon là. Putain, mais y'a rien de plus ridicule qu'un mec qui est mauvais en imitation. Qu'est-ce que tu peux imiter là? Une Lamborghini. Attends, tu t'es spécialisé dans les bagnoles. Alors, vas-y, fais l'imitation de la Lamborghini. Et tu vas pas me croire aussi. Bah, non, si, bah, vas-y. Vas-y, bah. Je t'aurais dit. Ouais. Ah, ok, et mais tu peux faire une autre voiture? Tu peux nous faire une Porsche ou pas pour voir? Ah ouais, c'est pas pareil hein. Ah, hein. Est-ce que tu peux faire une deux chevaux? Je peux faire une voiture sans permis. Bon bah vas-y, c'est bon aussi. On va faire avec. Vas-y. Putain, c'est le premier imitateur moteur que j'ai rencontré. Ouais, mais il est pas mauvais. Ah, il est pas mauvais. Est-ce que tu peux faire la voiture, l'autolib de Toff? La quoi? L'autolib, tu sais, les voitures les voitures que tu loues, là, à l'heure. La blue car. La blue car. C'est facile. Hein. Non, je vois pas. Bah, ça fait... C'est ça, hein. Même pas, ouais, c'est une espèce de sifflement bizarre. Ah oui, bah oui, en plus, c'est une électrique, c'est vrai, ouais. T'as d'autres modèles au répertoire? Est-ce que tu peux faire la Audi R8? Bon, attends, j'essaie. Ah ouais? Mais ouais, tu fais vraiment ça avec ta bouche? Ouais. Tu sais faire une Formule 1? Ah non, ça j'arrive pas. Ah, et une Harley Davidson? Une quoi? Une moto, Harley Davidson. La moto que tu penses, non, je peux pas, mais une cross, ouais. Vas-y, une cross. C'est ouf. Ah, il est bon. Et moi aussi, je sais le faire. Regarde, attends, je fais la Audi R8 sur un rallye là. Ah, elle est pas putain, mal. Elle hein. Fort. T'as vu? Putain, hey, t'es bon. On va te garder où, Sama? Tiens, on va te garder un petit peu là. Tiens, franchement, au début, j'allais me foutre de sa gueule, mais en fait, non, il gère. Hein. On va aller le vendre aux Américains, Oussama. Ouais. Hey, reste avec nous, Oussama. Reste avec nous là. Bon, du coup, on va prendre Eli dans quelques minutes. C'est Damien. On va se faire le match d'impro avec Bilal et Joël. Vous êtes là tous les deux? Oui. Salut, Joël, de Bruxelles. Ça va bien? Ouais, très bien, sur la fenêtre, hein, parce que j'entends très mal à manger. Eh bah ça commence bien. Mais les moustiques, c'est pas triste. Hein. Les moustiques en hiver, bien sûr, à Bruxelles en plus, il y en a tellement. Bilal qui est avec nous également du 95. Salut Bilal, ça va bien? Salut Mickaël. Ça va? Et toi? Bon, très bien, bouge pas, on va faire le match d'impro dans quelques minutes, d'accord? Non, je crois que tu vas faire l'impro. Allez, bouge pas. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle avec le hashtag MIKL sur Twitter. Mickaël, nos limites. De 20h à minuit sur Fun Radio. 20h minuit. Fuck Mickaël, no limit. I don't fucking care. Sur Fun Radio. Toujours en direct et la dernière ligne droite de l'émission sur Fun Radio avant de retrouver Bruno tout à l'heure à partir de 6h et puis évidemment Adrien à partir de minuit pour Party Fun. On sera de retour nous demain à partir de 23h juste après Love in Fun. Vous avez rendez-vous avec Love in Fun comme tous les soirs 20h à 23h. Plein de messages par rapport à Oussama aussi, par rapport à ses imitations. On va faire ça dans quelques minutes. On aura le match d'impro. Match d'impro qui risque d'être très très lourd entre Joël et Bilal. Ça va pas être lourd, ça va être très, mais alors très lourd. Je très, pense, hein. Très lourd. On très, peut très plus lourd. Ouf, ah bah il y a quelqu'un qu'on connaît bien. Et il y a Lucie qui dit bonsoir l'équipe, comment allez-vous Mickaël? Je suis amoureuse de ta voix. Oh merci Lucie, je te fais des gros bisous. Et alors Quentin qui dit je veux un message de bienvenue bien sale. Je vais te le mettre dans quelques minutes là, t'inquiète pas. Et on va d'abord se mettre avant de partir. Eh bah oui, car on va partir vers minuit, hein. On va laisser la place à Party Fun comme je le disais. On va se faire le son de Cockpit maintenant sur Fun Radio avec Out of Time. C'est Mickaël No Limit, bienvenue au nouveau. Merci aux anciens d'être toujours là. On est là de 20h à minuit tous les dimanches sur Fun Radio. Bonne soirée sur Fun. I don't wanna be lonely anymore. Le son de Cockpit sur Fun, c'était Out of Time. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Oh, Mickaël, no limit. De 20h à minuit sur Fun Radio. Et avant de récupérer tout le monde, on va se faire le match d'impro. Joël et Bilal, est-ce que vous êtes là tous les deux? Salut, oui, je suis là. Bon, salut, Joël, donc qui appelle de Bruxelles, c'est ça? Oui, ça fait. Très bien, tu... comment dire? On va faire le match d'impro, tu sais ce que c'est? Pas tout à fait, non. Bon, alors, c'est très bien. Donc, on va... Ça va être dur, ça va être dur. Et toi, Bilal, tu sais ce que c'est? Oui, à peu près, oui. Bon, très bien. Oui, donc, ouais, très bien. Voilà, donc le... Attends une seconde, Joël, je t'explique. Le principe est simple. Enfin, ça dépend pour qui. On va donc donner un thème. Et il va falloir, pendant une minute... Bah, j'ai même pas terminé. Pendant une minute que tu improvises avec l'aide de Bilal sur ce thème. Est-ce que tu as entendu... Je ne sais même pas pourquoi je pose la question, parce que ce sera non ou alors une réponse bizarre. Est-ce que tu as entendu l'interview de Jared Leto tout à l'heure? Oui, tout à fait. Parfait. Ah bah magnifique. Tu vois, finalement, je suis l'oiseau de mauvais augure, comme on dit. Bon, oui, on va donc. Tu sais qu'à la fin, il a commandé une pizza en anglais, tout le bordel. Bon, il l'a reçue, oui, on a mis la photo. Ton. Voilà. C'est, oui, c'est ça. Avec le ton, t'as vu, écoutez. Et donc, tu vas faire le ton, toi, Joël. Non. Et donc, il a eu la pizza. On a mis la photo d'ailleurs mardi quand il est venu. La photo est sur le Facebook, etc. Et donc là, nous allons faire comme match d'impro. La livraison de la pizza chez Jared Leto. Bilal, Joël, vous vous arrangez, vous faites comme vous voulez pour savoir qui fait le rôle de qui, peu importe. Mais c'est ça le thème, d'accord? D'accord. Et alors, bon, d'accord, mais je vais faire quoi avec la pizza? Oh putain. Tu vas la manger. Moi je fais le livreur. Mais voilà, bon, Bilal, vas-y, lance. Tu as toutes tes chances, Bilal. Bon, on y va. Joël, Bilal, oui, le principe il est simple. C'est que moi j'espère, hein, comme et ça pas. Hein. Oui, oui. Je rappelle quand même l'information primordiale de tout ça. C'est qu'à la fin, faut que ça baise. Eh oui, évidemment. Oh, oui, c'est vrai, faut que j'ai ça baise tout le temps, toi. Effectivement. Donc, il faut qu'il y ait des relations sexuelles. C'est film porno, évidemment, hein, bien entendu. Donc, Jared Leto fait un film porno. Il va être content. Et voilà. Donc, on commence après le ding-dong de la porte, d'accord, de la salle. Il va m'aider, il va être cool, j'espère. Ouais, ouais, bon, t'inquiète pas. Allez, on y va. Bonne chance. Attention, ça va être du lourd. Ding-dong. Oui, bonjour. Oui, bonsoir. C'est plutôt bonsoir, non, ma chérie? Est-ce que ma pizza très très fucking hoof est arrivée? Bah, écoute, j'ai ta pizza avec moi, mais par contre, il n'y avait pas le carotte. Oh merde, je voulais le carotte. Est-ce qu'il y a le lugum? Non, mais j'ai quelque chose à la place de la carotte. Ah, ok, qu'est-ce que c'est? Joël, entre en scène, quoi. Bah, il faut, j'aime pas perdre du temps, tu sais. Alors, tu veux la carotte ou pas? Oui, ok, mais qu'est-ce que c'est, le carotte? I can try to show you, my dear. Ok, je vais demander à mon assistante. Oh putain, la honte. Joël. Oui, je suis là. Est-ce que tu peux gérer le pizza? No problem. Oh putain. Allô? Yes, oui, allô. No problem. Je pense que ce met une pizza avec Hawaii, tu vois, avec des ananas. Est-ce qu'elle a avec compris? Des ananas. Mais par contre, mais ça baise. C'est encore plus tropical que l'ananas, en fait. Ouais, là, faut que ça baise, là, on y va. Mais écoute, t'as qu'à entrer dans ta chambre, ils m'ont invité, je viens derrière, je te montrerai. Pardon, articule, excuse-moi, j'ai pas compris. Ah, pourtant, il fait des efforts, écoute, je peux te faire comprendre dans le lit, si tu veux. C'est un petit peu difficile à sortir, hein, mais dis-moi... mais on les prend... Attends, Joël, il a toutes les heures. Tomates, assaisonnées... Mais on fait pas de la pizza, Joël, on fait pas de la cuisine. Joël. Oui, je suis là. On fait pas de cuisine, là. Est-ce que moi, je suis nouvelle, là, dans Joël, la boîte, Joël, hein, Joël, là, stop. Joël, c'est pas Top Chef. Stop, oui, on n'est pas dans Top Chef. Bon, eh bien, à vous de voter, hein. Joël et Bilal, restez là. Vous votez un pour... vous mettez simplement Joël ou Bilal, en fait, hein, sur le hashtag Mickaël sur le Twitter. Par SMS également, envoyez Mickaël suivi de Joël ou de Bilal pour voter. 64 900 ou 30 44 depuis la Belgique. On donne les résultats, le final dans quelques minutes. Je suis super déçu, on n'a même pas eu un, y a pas un eu petit de... doigt. Ah, bah oui, mais qu'est-ce que tu veux, ah, c'est oui, comme bon, ça. Oui. Bah oui, mais il y avait une minute, j'ai déjà été bon prince. Hein, j'ai ça déjà a pas baisé, il y a rien eu. Ça, même c'est pas, pas grave. Bon, même pas un échangeage de fluide. En attendant, Ellie qui vient d'arriver de Bruxelles. Là. Ellie, ça va? Ouais. Ah, parfait. Bon, alors, Ellie, toi, tu voulais parler de dons que t'avais éventuellement. Ouais, c'est pas très, c'est pas grand-chose, mais bon. C'est quoi? C'est déjà ça, hein, imiter quelques animaux. Ah, toi, c'est les animaux. Alors, il y avait Oussama qui imitait les voitures. Toi, c'est les animaux. Alors, t'arrives à imiter quoi? Ben, devinez, je fais le bruit, tu sais deviner, ok? Ah, tu veux faire un jeu, alors vas-y. Fais nous rêver. Le pigeon. Ouais. Bingo. Maintenant. Le pigeon. Non. Non, c'est pas le même. Hein. Ah, c'est la mouette. C'est la mouette. On va dire, je pensais plutôt à un hibou. Ah, bah oui. Attends, il y a Sandro qui a une réponse. Parce qu'elle me dit dans le casque, tu sais, genre pour pas se taper long, tu te fous de ma gueule. Alors vas-y. Non, on t'entend mal. L'hirondelle. Non, il a dit un hibou. Ah, c'était un hibou. Ouais, enfin, j'essaye. Oui, bah oui, je confirme, ouais. Attends, bah alors vas-y, essaye un autre. Miaou. Non, mais t'es sérieux là? Je dirais un éléphant. Un dinosaure. Non, mais Ellie, t'es sérieux avec le miaou? Non, non, non, je fais ça. Ah bon, alors vas-y. Attends. Miaou. Oh qu'il est mauvais. Oh qu'il est mauvais. Une vache. Mais non, un chat. Mais non, c'est pas bon. Oh là là, qu'il est mauvais. Alors attention, attention, moi aussi j'ai les mêmes. Ah merde, c'est marrant parce que là il y a marqué chat vénère. Quand je l'avais, attends, j'essaye l'autre. Ah. Sors mon fusil, sors mon fusil. Attends. Bien bon, entendu, bien entendu, en aucun animal n'a été maltraité dans non, ce... Bien entendu, laissez faire les professionnels. Bon, Ellie. Oui. Putain, avoir attendu autant de temps pour ça. Ouais, bah, c'est combien de temps? 1h33. 2 minutes 30 que t'as l'antenne. Mais le pire, non, c'est. Non, 1h33 que j'attends. C'est ouais, vrai. C'est pas grave, c'est pas grave. Le pire, c'est pas que t'es attendu, c'est que t'es ah mauvais. Non, c'est nous. Oui, oui, c'est vrai, Ellie. C'est ça le pire. Attends, qu'en pense Oussama? Oussama qui est un bon imitateur de voiture. Oussama? Oh merde, c'est à nouveau raccroché. Bon, tant pis. Bon, Ellie, eh ben écoute, merci ouais. de passer. Hein. Tu votes pour qui, toi, Joël ou Bilal? Ah bah j'ai pas écouté parce que ça faisait trop longtemps. Ah bravo, Ellie. Ah bah bravo. Ellie. Voilà, tout ce que tu mérites. Bon, eh ben bonne soirée, Ellie. Alors à bientôt. Hein. Salut, Ellie. Et surtout, ah, n'hésite pas à t'entraîner. Hein. Allez, oui, surtout. Eh ben alors, vas-y. Il y a une seule personne. Choisis la bonne. Alors à la standardiste. D'accord. Pourquoi? Parce que bah déjà c'est bien parce qu'elle m'a reçu. Ouais. Alors que ton nom de radio, faut attendre longtemps. C'est mais, vrai, bah oui, pas là, non. Et... parce que j'ai pu attendre, j'ai pu battre mon record au téléphone, là. Ouais. 1h34 à peu près. Heureusement que c'est moi qui paye. Et bref, mais bon, merci. Eh bah écoute, je t'en prie, avec plaisir. Salut Ellie, hein. Bizarre ce garçon. Oh, ciao à toi, Ellie. Damien et Céline. Ouais. Oui. Bon, attends, Damien. Ouais, bon, attendez deux secondes, bah, je prépare le matériel pour mes canulars. Après, je suis à votre écoute. Tu prépares le matériel pour quoi faire? Pour les canulars. Canulars de quoi? Des canulars, en fait, je vais appeler des personnes et je vais leur poser des questions de cul. Eh ben, c'est une très bonne idée, Damien. Bonne soirée. Céline, tu nous enverras des copies. Ouais, ouais, envoie-nous des démos. Céline, bonne soirée avec les morts. Merci. Bon, ne les tue pas trop vite. Ouais, et tu voterais pour qui, Céline? Toi, Bilal ou Joël? Lequel des deux a été le meilleur au match d'impro? Bilal. Bilal, ok d'accord, très ah bien. Ah oui, il connaît mieux que moi, excuse-moi. Bah oui, bah y a pas de problème, bah, merci Céline. Hein, de rien. Bon, gros bisous Céline, ciao. Ciao. Avant de faire le top tweetos et de mettre le générique de fin, faisons un tour du côté des votes, bien entendu, hein, pour Joël ou pour Bilal. Il y a maintenant qui dit pauvre Joël, elle est paumée. Alors j'ai pensé aux ananas. Quel là, beau match d'impro, oui tu as bien fait. C'est ce qui a tout changé, Joël. Dédé qui dit je vote pour Bilal sans hésiter, Joël a été totalement absente. Vous êtes géniaux, trop bon délire le soir, je vous écoute tous les soirs, continuez. Merci Héloïse et gros bisous à toi. Benji qui dit Bilal, pardon pour l'écriture du prénom. Il y a Ken qui dit je vote Bilal. Christelle qui dit moi je vote pour Mickaël pour avoir imité notre Jared Leto. Tu parles, j'ai été mauvais. Marion, Polo l'obsédé. Et Fafa qui dit j'adore vraiment ta voix, vous gérez vraiment, gros bisous à tous. Et ben merci Fafa et gros bisous à toi. Bon, et il y a Sophie qui dit alors moi j'ai un don, je sais imiter les avions, le four micro-ondes, le mixeur et j'en passe. J'ai trop de dons. Eh ben bravo Sophie, hein. Appelle-nous demain, on va en parler. Romain, Mickaël, t'es le plus fort. Merci. Et Christelle qui dit mort de rire, l'imitateur de moteur, oui. Bon, eh bien, à l'unanimité, Joël. Oui, je suis là. Tu as perdu, Joël. Oh, bah c'est étonnant. J'ai des victoires, excuse-moi. Et pourquoi j'ai fait tout au mieux, hein? Ah oui, oui, franchement, ouais. J'ai proposé des ananas. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et c'était ouais. peut-être mal, l'erreur hein, de la soirée. Ouais, bon. Mais... Non, moi ah je suis bon, pas d'accord parce que Bilal devait être un improvisateur professionnel et donc c'est pour qu'est-ce ça qu'il avait vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bon, et puis. Bilal ? Oui. Bravo, toi, c'est tu as gagné. Hein. Super, vous savez, j'avais la carotte. Bon, je suis contente pour lui, hein. Mais évidemment. Mais qu'est-ce que j'aurais dû faire ? Mais t'aurais dû. Il fallait arriver sur le cul à la fin, là. Et malheureusement, il a essayé, tu t'es retenu et puis ça a été nul. Nu, voilà. Mais, ah ouais, mais ça arrive. Bah, exactement, voilà. Et tu reviens quand tu veux, Joël. Voilà, parce que comme ça, tu seras plus débutante. Voilà. Salut, Joël. Allez, à bientôt. Salut à vous deux. Salut à vous deux. Et bah, pareillement, Joël. Parfait. Oh. Top Twittos. Bien sûr. Je rappelle que le numéro 1 repartira avec soit un sextoy offert par passagedudésir.fr, soit avec un t-shirt comme un air de rock offert par comme un air de rock. Voilà. Ils ont pas de site internet. Ben si, mais enfin qu'une boutique. Enfin bref, allez voir sur le Facebook, c'est plus simple. Bon, alors numéro 5. Alors numéro 5, c'est Hugo Réo. Numéro 4, Fred S. Numéro 3, le prince Nadia. Numéro 2, Ken DR. Numéro 1, Magda. Magda, s'il n'a pas gagné, elle repartira soit avec le Facebook elle repart avec le Facebook complet, donc oui, elle repart avec tout le Facebook, soit c'est avec, pour elle, c'est cadeau. Ouais, soit avec le sextoy offert par passagedudésir.fr, soit avec le t-shirt comme un air de rock Made in France offert par comme un air de rock. Voilà, quelle horrible voix off. Bon bah bravo en tout cas et merci à vous. Et avant de se quitter, évidemment, le générique de fin, c'est parti. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des bites, te sucer, toi l'enculé. T'es un enculeur, t'encules ton nom, qui a vraiment conculé comme toi. Pas mal. De merde, toi l'enculé. Car t'encules ton oncle, un enculé. Tu ne peux plus dormir ou bien manger car t'encules ton oncle toute la journée. Et chiche pas chichi. Je vais venir, je vais t'enculer ta race de merde. Je vais t'enterrer, je vais te mettre ma bite sur la tête. Je vais te couper ta croissance toi. Ok monsieur PD. Ta maman elle a un gros cul, ta soeur. Vous êtes PD ou bien êtes... Je pense que vous êtes un gros PD hein, ma chichi hein. Mais je me prends sur le cul de ta mère, d'accord. Enculé, enculé, toi l'enculé. Alors enculé. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des bites, t'as te sucer, toi l'enculé. T'es un enculé. Enculé, toi ton oncle, c'est un enculé. Oui, tous les deux, on est des enculés, c'est vrai. Ma bite. Voilà, merci Lou, évidemment. On se retrouve demain à partir de 23h. Merci aux auditeurs d'être passés. Hein, à Bruno, à Elliot et dernière chaque fois j'ai oublié qui s'appelle, j'ai oublié que c'est pas prendre le micro Quentin, parce que sinon on entend mal. Quentin, voilà, c'est ça. Donc merci d'être passé. Je me suis souvenu de Bruno Elliot parce que c'était un moyen mémotechnique très simple. Après pour le Quentin. Oh Moziman, j'aurais pu y penser aussi. Ah c'est vrai. J'aurais pu y penser, effectivement. Bon, on se retrouve donc demain à partir de 23h sur Fun Radio. J'ai enfin trouvé la lampe du génie. Je vais enfin pouvoir faire les trois vœux. Alors que Mickaël nos limites durent longtemps, qu'il continue à nous faire rire et qu'il soit tous les soirs au top. Tu ne désires pas de montagne d'or, de Ferrari ou de vie éternelle? Non, Mickaël m'offrira le reste. Oh my god! Mickaël, nos limites. De 20h à minuit sur Fun Radio. Et c'est Party Fun qui va débarquer dans quelques minutes. Ouais. Enfin, maintenant là, comment ça va? Ça va bien et vous-même? Eh ben écoute, ma foi plutôt pas mal. Mais vous prenez jamais de vacances hein? Ben non, pourquoi faire? Je sais pas, il y a plein de gens qui sont en vacances en ce moment. Bruno est en c'est vacances. Vrai. Oui, c'est vrai. Oui, en plus je suis con, je dis Bruno qui arrive tout à l'heure. Enfin, ah non, qui arrivera il est... virtuellement. Il sera chez lui hein. Ouais, coup, il sera chez lui pépère, effectivement. Oui, je suis con, effectivement. Bon, Party Fun donc en mode remix ce soir. En mode remix. Très bien. Jusqu'à 2h du mat. Parfait. Yes. Bon, eh ben bonne nuit alors. Mais merci à vous aussi les gars. Avec plaisir. Merci. Et nous demain à partir de 23h juste après le VinFun. Bonne nuit. Voilà, merci les gars, bonne salut nuit à vous. Ciao ciao. Ciao.